23h. Mickaël. Just Hits. Goom Radio. Eh ouais, exactement. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Oh, ça fait plaisir ce vendredi là. Non? Ça fait pas plaisir ce vendredi? Non, mais le corps s'est encore oublié, tu sais très bien. Nos micros à nous. Je les vois en train de réagir et je me dis, bon, bah, tiens, c'est marrant, je les entends pas. C'est bizarre quand même. Non, mais on est là, on est là. Bravo le Corse. On est là, bah. Tu vas encore te prendre des claques sur les doigts. Ouais. Boum. J'y suis pour rien. Je vais t'en mettre une dans la gueule, le Corse. Je vais te casser la gueule. Il y est jamais pour rien. Il y est jamais pour rien, le malheureux. C'est ça. Le pauvre malheureux. Bon, Mika va bien? Ben, Mika va très bien. Mika, il va passer un week-end. Je vais pécho, je crois. Ah, ça y est? Avec tous les week-ends. Ouais, il dit ça tous les vendredis quand même. Faut absolument que je raconte ce qu'ils nous ont fait vivre après. Ouais, ah oui, alors attends, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. La chose la plus importante, comment s'appelle la fille, Mika? Je sais pas. Thérèse? Je sais pas. Tu sais, je vais laisser un petit peu la chance faire cette fois-ci. Je vais laisser une chanceuse l'opportunité de me séduire ce week-end. Bon, ok. Si tu veux, d'accord, pas de problème. Je n'irai pas plus loin. Ouais. Pas de souci. Bon, comment va alors c'est qui qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible. Tout alors, à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je vais laisser Mika raconter parce que c'est terrible. Moi, je trouvais ça super drôle de genre appeler Cécile pour ranger le goûter là de balles qu'on s'est fait. Et en fait, je dis viens s'il te plaît, il faut que non pas de balles, un putain de goûter de ouf. Et je fais viens, il faut que tu ranges un peu toutes les merdes. Et en fait, j'avais mis discrètement mon Mac à côté sur YouPorn avec un espèce de putain de sodomie de ouf en gros plan. Elle s'est mangée ça dans la gueule, elle a failli vomir. Et du coup, ça, après, c'est bon, ça. Pour faire chier tous les gens de Goom, on essayait de faire craquer tout le monde avec Pierre et tout. Et on n'y arrivait pas, comme des merdes, il n'y a personne qui craquait. Sauf petit Blair, donc sous Blair, qui était en. Ah, le sous Blair. Ah, le sous Blair. Il était en rendez-vous et la fille était de dos de la fenêtre et de la vitre. Et donc, je lui montrais le truc à travers. Donc, David, puisqu'il s'appelle David, il se marrait. Mais c'est le sous Blair. Ouais, le sous Blair, ouais. Et sauf qu'au bout d'un moment, il a dit à la meuf, bah retourne-toi, c'est genre discrètement. Et elle s'est retournée discrètement. J'étais en train de me marrer avec tout le monde et elle a vu le film de cul. Donc voilà, la meuf est dégoûtée. Je crois que c'est. Ah, mais tu m'étonnes. C'était une mais quoi, c'est ça qui vous a perturbé? Non, mais attends, c'était dégueulasse. Bah, c'est un film de cul, vous avez déjà vu ça quand même. C'était un film de cul très dur, c'est-à-dire que Pierre me tenait, m'ouvrait les yeux de force pour que je regarde. Et je vais t'expliquer en deux mots, c'était une fille entourée de 15 mecs, là qui counette à l'air. Et ils se sent gentiment. Moi j'ai eu droit à la fellation. Ouais, toi t'as eu la fellation. Oh, mais c'est bien ça. Alors déjà ce matin sur le pont de Sèvres. Et puis ensuite. Ah oui, c'est vrai. Alors, il faut vous expliquer ce qui s'est passé ce matin également avec. Enfin, ce matin, il était midi, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est Émilie qui se balade avec Mika. Ça me fait plaisir. On allait faire un petit tour. Donc, Émilie se balade avec Mika sur le pont, tout près de la radio, le pont de Sèvres. Hein, si vous voulez voir sur Google à quoi ça ressemble. Enfin, c'est un pont moche, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, elle se balade. Ils vont vers la radio tous les deux. Et puis tout d'un coup, il y a. Alors, c'était un camionneur, c'est ça? C'était un camionneur, exactement. D'accord. Bon, alors le camionneur, donc il passe, il ralentit un petit peu et puis. Et puis. Bah, il te demande si tu veux le sucer, quoi. En gros, je faisais trop ma belle. Enfin, il lui demande pas, il lui donne l'ordre. Et il crie, hein, lui à travers la vitre, suce-moi. Et moi, je regarde Mika, je rigole et je dis qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il voulait que tu le suces. Voilà, c'est ça. Mais tu l'as fait? Et attends. Ouais, j'ai couru, j'y suis allé. Ah, t'as eu raison. Il fallait surtout voir aussi le rouge à lèvres d'Emilie, hein. Faut quand même pas déconner, on a dit que tu sortis du bois de Boulogne. Grave, une chaudasse, t'en peux plus là. Oui, et puis faut dire que j'étais orange. Nue aussi. J'étais toute nue, j'avais non, que le rouge à lèvres. Non, mais t'étais pas nue, mais. Ouais, mais t'as le feu au bouleur, ma grande, t'es une chaudasse, t'es une chaudière, regarde-toi. Oh, calme-toi, une chaudière, mais bon. Ouais, je suis chaud comme la braise ce soir, Mika. Et on sent que c'est vendredi là qu'il est, il a le braquemard déjà. Ouais, je. Mais non, mais le mec, il est en réaction du lundi au dimanche, quoi. Actuellement, je bande. Voilà, il a la demi-molle depuis 16h. Non, très dur, elle est très dure. Pas demi-molle. Elle est plus que ça, d'accord. Ouais, parce que elle est, en fait, c'était demi-molle, mais depuis mercredi. Hein. Bah, regarde, attends, écoute. Voilà. Aïe, fais gaffe, tu vas casser la table. Bon, Pierre va bien également? Ça va bien aussi. J'ai une petite histoire drôle à vous raconter là. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une histoire drôle. Ouais, mais t'aurais c'est pas que... dû dire que c'était drôle. Non, avant. C'est, que... c'est compliqué. Parce ça. Que c'est toujours. En plus, je vais foirer ma chute. Mais c'est pas que depuis deux semaines ou trois. Non, pas deux semaines. Depuis deux trois jours, il y a une corde de brume ici. Ouais, un vous est là. Un vous est là, mais. Un vous est là. Ouais. Mais non, mais vraiment le vrai bruit, ça fait des. Et ces connards là, ils prennent le vous est là. Donc entre autres Mika, Nico et puis un autre mec de la boîte. Vas-y, balance. Enfin, tous les cons de la radio, quoi. Exactement, mais ceux qui foutent bien le bordel. Et c'est pas qu'ils ouvrent la porte du hall là, qui résonne à mort. Et il sait pas qu'ils font un gros coup de vuvuzela, mais un truc de fou. Et du coup après le gardien, c'est pas qui gueule, mais tout le monde gueule. Et le pire c'est que tout à l'heure j'étais au chiottes en bas. Et là j'ai les deux, comment ils s'appellent, les hommes de ménage là, qui parlent et qui fait mais c'est quoi ces bruits qu'on entend? Ça doit être l'ascenseur qui marche pas. Alors enfin, on fait chier quand même tous les meubles pour rien gratuitement, quoi. C'est très dur. Non mais c'est surtout l'ascenseur qui marche pas. Ouais, c'est ça, ils sont mignons. Ils croient que c'est l'ascenseur les dos. C'est dingue. Bon, ce soir aussi, je passe du coq à l'âne, hein. On n'est pas du tout dans le Vuvuzela, mais ce soir, on reçoit Kate de Luna. Yeah. Et en plus, tu t'es fait tout beau, Michael. Non, bah oui, j'ai mis mon petit pull blanc comme j'avais ce matin à la télé. Oui, bah je sais, un petit peu comme d'habitude. C'est vrai. Voilà, pour une fois, c'est pas trompé. Pour une fois, tu vois. Bon, donc ce soir, donc Kate de Luna, donc qui sera avec nous et on a mis la photo de Kate de Luna. Alors d'accord, c'est une photo. Non, elle est pas retouchée, c'est pas ça. Elle est à son avantage, quoi. Non, mais c'est pas elle, c'est sa cousine, ça. Non mais arrête, mais si c'est elle. C'est si, Kate si, des Loulous. Donc elle est, c'est ça. Donc elle sera sur, elle sera avec nous tout à l'heure et donc la photo est sur le groupe Facebook. Hein, donc si vous voulez aller voir ça, ça se passe donc sur facebook.com/mikl. Voilà. Donc elle on mettra aussi donc tout à l'heure. Sur la photo. Elle fait, bah non, on voit attends, que. Attends, elle fait géante, super on voit le plus important. Super fine du visage. On va voir. Bah oui. Bon, on va bien voir. Non. Mais... Ouais, Pierre, mets ton micro, hein, on t'entendra mieux comme ça. Oh donc là, je disais que je parle à côté, on voyait, bah, tu vois. Bon, donc je disais qu'on voyait le principal, c'est-à-dire la poitrine, la tête, un bras. Ouais. C'est bien. Bah, tu peux passer une soirée avec ça. Hein. Ouais, t'as pas besoin des gens. C'est ça, tu peux faire une très très bonne soirée même. On passera également. C'est sur Mozart ça, qui lui dit tu préfères une fille avec un bas de sirène et en haut de femme ou une fille avec une tête de poisson et un bas de femme. Exactement. Peut-être. Tiens, il y a Hello aussi sur le groupe Facebook qui dit retoucher à mort la photo. Ah mais oui. Non, jalouse. Mais oui. Mais elle est pas retouchée. Et Mais carrément ta faute, toi. Mais elle est pas retouchée. Non, mais je vous jure, c'est même pas qu'elle est retouchée, c'est que je pense que là, ce n'est pas elle. On dirait Vita. Qu'elle est belle. Mais si, c'est elle, c'est juste. D'accord, elle est retouchée, mais c'est elle quand même. Ouais. Bon, il y a Mika, alors il dit t'as rien d'autre à foutre que d'aller mettre des messages sur Facebook en disant j'aime Kate de Luna. Oui, d'amour. Oh. D'amour. Oui, d'amour, oui. Donc t'as rien d'autre à faire, hein. Bah non, je l'aime d'amour. Je suis sûr qu'il va la draguer. Bah bien sûr, sans problème. C'est ça, ouais. J'ai mis un t-shirt bon, et Marie qui était avec. Que Emily a oublié chez moi d'ailleurs pour draguer Kate de Nula. Non, tu mens, c'est un jour où tu puais les bras, je te l'ai donné parce qu'il était dans mon sac. Ouais, ça va, c'est pas gagné. C'est plus romantique l'histoire de Mika. Ouais, franchement, je suis un romantique, c'est toi. Toujours, avec Mika, c'est toujours le romantisme même. Oui, exactement. Ah bah oui, on est toujours au top du romantisme. Bon, il y a Marie aussi sur le groupe Facebook qui dit oh, tu as ton tricot de corps blanc. Oui, alors c'est pour ceux qui étaient là ce matin, effectivement. Il y a quelqu'un qui m'a dit oh, il est beau ton maillot. Bon, quoi, ça ressemble à un maillot, mais enfin bon. Et donc, du coup, c'est la régie, on m'a dit oui, ça s'appelle un tricot de corps. Putain, la meuf, je sais pas quel âge elle avait, mais elle a dû être en 1925. On dirait un petit bateau, c'est vrai. Bah non, mais c'est un bête polo. Enfin, je sais même pas comment on appelle ça, un petit pull, quoi. C'est même pas un pull parce que c'est un corps que. Oui, bah c'est ça. Ouais. Mmh. Bon, ce soir, donc on mettra du son, évidemment, Kate de Luna, puisqu'elle passera nous voir dans quelques minutes. On aura Bruno Mars aussi avec. Alors, je sais pas si on met Grenade oh, ou oui, si Grenade, on met Just the Way You Are. Grenade. Si tu m'aimes, mets J'sais Just pas. The Way You Are. Mais ne lui dis pas ça. Mais il va mettre Grenade comme ça. Yeah. Prenez-moi pour un débile. Mais ouais. Tu es débile. Ouais, c'est ça. Mais oh, oui, c'est noté tout débile. Ça. Je t'aime. Non, j'ai bien entendu. T'inquiète pas, c'est noté. Je parlais pas de toi. Tout est noté. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vraiment, ils me prennent pour un idiot. C'est quand même exceptionnel. Bon, donc Bruno Mars, on passera tout à l'heure. Je sais pas lequel. Si vous voulez choisir Just the Way You Are, Grenade, vous demandez tout simplement sur le groupe Facebook. Facebook.com/EmilyKelOfficiel. Arrête de faire des espèces de pseudo-messages subliminaux, là, Emily. Cécile. Non, c'était Emily. Ah, c'était Emily. D'accord. Mais parce qu'on parle en même temps. Donc, mais le problème, c'est que tu me vois pas. Je suis derrière l'estanqui, tu me vois pas. En même temps, c'est ça le problème. Moche. Vous m'avez vu tellement derrière qu'il n'y a plus personne qui me voit. Mais c'est mieux. Bah, c'était bah la oui, place que j'avais avant. Comme ça, ouais. Bah ouais. En fait, je suis vachement mieux là où je me trouve. Ouais, mais le problème, c'est que tu te rends pas compte quand je prends la parole, donc ça me gonfle. Ouais, bah le seul problème, c'est que j'ai le corse devant ma gueule, en fait. C'est ça le problème. Enfin bon. D'ailleurs, moi, le corse n'a toujours pas dit, n'a encore rien dit ce soir, à part c'est pas ma faute. Allô, le corse? Oui, mais. Ça m'étonne pas qu'il ait rien dit en fait, hein. Oui. De quoi? Bon, ben il a peur. Ah, de quoi? Et puis on regarde. Oui, mais je sais pas de quoi il a peur. Le regard du Corse. Non, ah, mais là, très dur. Tu sais ce qu'il a, le Corse? Il a simplement vu la boîte d'Elisabeth qui est arrivée par le courrier aujourd'hui. Ouais. Et, ouais, moi, et dans la boîte d'Elisabeth, il y a quoi? Une boîte de whisky. Yeah. Il est du son. Non, mais il faut remercier vraiment tous les auditeurs, même Clémence qui nous a apporté des gaufres cet après-midi. 23 gaufres au Nutella, on s'est gavé avec lui. Attends. Quoi? Des quoi? Des gaufres. Elle a ramené quoi? Des gaufres. Ah, des gaufres. Ouais, t'as une chance de merde. Parce que gaufres, je savais pas ce que c'était. Là où ça pue la sardine, elles disent gaufres. Et on dit rose, et on t'emmerde. Non, on dit pas rose, on dit pas la sardine. Un petit goût de saumon fumé. Non, voilà. Alors merci à Nathalie, Janine, Clémence et Anthony. Bah, et puis surtout Elisabeth aussi qui a quand même envoyé le gros paquet là. Grave. On ouvrira ça tout à l'heure. Oui. Enfin, pour la bouteille en tout cas. Oui. Oh oui, ouais, oui, ouais. Oui, j'ai soif là. Mais ouais, ouais, c'est ça. Non, non, pas, vous allez vous calmer. Il est hors de question qu'il y en a un qui boive, en émission. Je sais pas si je vais t'en donner, sérieux. Non, mais attends, le corps, t'as pas compris. Je te la vends la bouteille, hein, c'est pas pour toi. Ouais, tu la vends, c'est moi qui l'ai. Attends, je dis depuis hier, même avant-hier. Je l'ai caché. Depuis quand je lui dis, mais ça fait quelques jours. Je l'ai caché. Maintenant, elle est dans mon sac, il faut venir la récupérer. Oh bon, bah, tu vas la voir dans le fion, tu vas voir. Déjà, il faudrait y rentrer. Ah ouais, bah c'est pas compliqué. Hein. La répartie. De toute façon, c'est un garage à tub. Il faut pas inverser les rôles, Michael, quand même. Oh. Ah non, je n'inverse pas les rôles, t'inquiète pas, oh, justement, tout va bien. Oh là là là là, il cherche les emmerdes. Garage à tub, c'est dégueulasse. De toute façon, j'ai un pull blanc aujourd'hui, tu peux rien faire contre moi. C'est vrai, tu as raison. Sur ça. T'as vu ? C'est le pull blanc. Ouais, voilà. Ça, c'est bon. Ton pull, il est franchement, il est trop beau. Il est trop T'as beau. Vu, hein. On mettra des photos tout à l'heure sur internet, vous verrez à quoi ça ressemble, le beau pull blanc que j'ai, parce que vous l'avez peut-être vu ce matin à la télé, mais sinon, vous l'avez vu ce soir, voilà. Enfin, vous le verrez ce soir. C'est bon, Rihanna, donc on mettra aussi tout à l'heure Only Girl, il y aura Martin Solveig, on mettra un petit son rock, un petit Zelda Cave aussi, hein. Petit Linkin Park aussi. Ah ouais, nickel. Ça me paraît pas mal. Swedish House Mafia avec One. Qu'est-ce qu'il y a, Corse? Non, le Linkin Park que j'aime, c'est celui qui a les roulements de tambour au début. Ça, ah oui, c'est la musique de Cirque Pinder. C'est non, celui qu'on a mis là, celui qui fait un peu truc de l'armée. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, bah c'est pas celui-là qu'on mettra tout à l'heure. Voilà. Non mais autant dire les choses comme elles sont, hein. Voilà, et donc ce soir on parlera de pas mal de choses. Ah oui, bon, on va parler de mort. Ah ouais, des morts, cool, ou ça. Ah bah ouais. Oh, j'ai une histoire de mort. Bah c'est un bébé qui est mort en fait. Ah, moi c'est une dame. Non, un bébé qui est mort, c'est trash. Je croyais que t'allais parler de crash d'avion là. Non, pas crash d'avion. Quoique, ça a failli, hein. Ah. Non, mais il y a eu un truc aujourd'hui, là. Il y a eu une alerte, un avion qui venait du Yémen, je crois, qui devait atterrir aux États-Unis. Yémen. Et ils ont trouvé des trucs louches dans un truc d'encre. Enfin, c'est bizarre. Ouais, mais enfin, j'en dirai plus tout à l'heure. Quelle idée de venir du Yémen aussi. Enfin, personne va là-bas, non, si. Non, apparemment, ce serait Al-Qaïda qui est derrière tout ça. Al-Qaïda, toujours les mêmes. Bah, c'est toujours ça. Après, c'est peut-être le côté facile de dire que c'est eux, hein. Odile. Ouais. On sait pas, on verra. Bah, y a Yalo qui demande aussi le live de Julian Peretta. Je sais pas, on verra. Putain. Bah ouais, mais je sais pas. Allez. Je sais pas. Ouais, tu sais jamais, toi, dans ta vie. Sois cool, c'est les vacances, là. Bah, quoi, c'est les vacances, et alors? Bah, sois cool avec les auditeurs. Bah, ouais, mais ça se trouve, il y en a qui veulent pas Julian Peretta, on sait pas, hein. Oui, mais on peut pas faire plaisir à tout le monde. Ouais, ouais. Bon, et on parlera aussi tout à l'heure de... C'est pas que je voulais instaurer le con du jour, mais lui, quand même, il vaut de l'or, hein. C'est qu'est-ce qu'il a foutu? Pas l'accident con. Ben j'en parlerai dans un instant, mais c'est vraiment bon. C'est un décès également, malheureusement, mais oh. Mais et c'est, bah oui, mais quoi, j'y peux rien. Mais c'est un idiot. Ça va pas, non? Bah c'est oui, bah pour le coup. Condition de l'homme. Hein. En même temps, ouais, c'est le week-end. C'est ça. Là. C'est con. Mais ouais, c'est bah, ça. Si tu vas te skier, faut mourir. Bon, eh oui. Oh là là. J'allais oublier. Quoi? C'est le premier week-end sans Secret Story. Oh eh oui. Énorme. Eh ouais. Et c'est le premier week-end également. Ouais, c'est ce soir le truc avec les enfants là, enfin qui veut épouser mon fils ou quoi. Avec, voilà. Putain, et avec crème de la crème c'est de la perle. À 22h25 sur TF1. Avec Elsa Fayer. Yeah. Oui, alors justement, je t'ai envoyé Mika cet après-midi la photo de d'Elsa Fayer justement. Mais oui. Elle était choquée sur France 2, non? Oh, mais là, mais de quoi tu es? Elle est malade. Bah bien sûr. Non mais tu rigoles, elle est énorme. Je vais lui bouffer le. Elle est énorme, tu la trouves grosse elle? Elle est énorme physiquement, bah, c'est-à-dire énorme physiquement. Ah oui, mais voilà. Non, mais elle avait rien compris, Cécile. Tu la trouves grosse, elle? Mais qu'est-ce que je dois être, moi, à côté? C'est vrai. Non, elle est super bonne, Elsa. Qu'est-ce que je pense, mon amour? Non, pas du tout. Je vais venir. Non, non. Ah, si, que t'étais grosse. Non, même pas en rêve. Bon, même attends, pas en est-ce rêve. Que j'ai donc, mangé voilà, donc... cet après-midi, je te dis que là. Qu'est-ce que t'as mangé? Voilà, je te dis, les auditrices nous ont ramené des gaufres, des gâteaux au chocolat. Ah oui, des quoi? Ah, oh, tu m'emmerdes. Des gâteaux. C'est comme des gâteaux, c'est différent. C'est des gâteaux. Si elle vient te faire un bisou, ça, ouais. Si elle vient te faire un bisou, elle pue de la gueule, tu vois. Donc c'est ça. Non, mais ça va pas. Ça ira. Il y aura pas de bisou. T'inquiète pas pour parce ça. Parce que t'as une chatte. Non, mais c'est bien parce qu'avec le Corse, toutes les vannes sont expliquées. C'est accessible au plus Merci. Grand nombre. Ah, mais de toute façon, avec le Corse, tout est expliqué. Oui, absolument. C'est-à-dire que s'il va, non, sauf la table de mix, ça l'est jamais expliqué, elle. Non. La table de mix, ouais, c'est, Il faudrait mettre des bouts de pizza à la place des potards et qu'on vendrait un peu plus, peut-être. Mais t'inquiète pas, c'est ce qu'il fait, hein. Il en met, hein. Il en met, hein. Ouais. Mais il est méchant, bon, et Mika. Ouais. Mika a déjà mis la photo d'Elsa Fayer, hein. Ah bah, obligatoire. Sur le groupe Facebook. Ah bah ouais, donc allez-y, donnez vos avis, si vous aimez, si vous n'aimez pas, de toute façon, vous l'aurez pas quoi qu'il arrive, c'est pas grave, mais juste par principe de donner son avis, quoi. Ah bah, voilà. J'aime et trop Mohamed les meufs qui font des photos comme ça où elles se cachent les bouts des tétons. Oui. Mais c'est bien. Parce qu'au final, on a tout vu, quoi. C'est intime, le téton. Je mets un doigt, mais sur le clitoris, la meuf, pour pas qu'on la voit annoncer, mais c'est ridicule. Ça laisse de l'imagination. Tu es vulgaire, Ami. Arrête. Franchement, t'es vulgaire. Mais t'as raison, c'est vrai qu'il y a des J'essaye de parler comme toi pour te séduire, mais ça marche pas. Non. Non, là, c'est pas gagné. Bon, en tout cas, si vous voulez parler avec nous ce soir, donc 01 55 64 13 24, c'est Marie qui est au standard ce soir. Donc, si vous voulez l'appeler, n'hésitez pas. Hein, vous faites le numéro et puis vous passerez avec nous tout à l'heure. On aura des places aussi à vous filer pour My Chemical Romance. Ça me paraît un bon plan. Oui. Et puis, oui. Mais d'ailleurs, elle n'y va pas, Émilie, lundi, c'est ça. Non, c'est ça. Effectivement, d'ailleurs, lundi, Émilie n'ira pas. Mais c'est une spéciale Halloween lundi, c'est trop bien. Moi, je préfère aller lundi, c'est spécial Halloween. Voir des rockers, mais je suis trop contente de rester avec vous, écouter vos histoires de peur, de merde, là. Ouh là là. Ouais, d'ailleurs, on parlera cancer. Ah, bim. Ah, ça, c'est bien. Je me casse, quoi. J'en peux plus. Je suis angoissée de chaque instant, quoi. Je sais plus quoi. Oh là là, et angoissé de chaque instant. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est dur quand même. Bon, allez, on met le premier son. Est-ce que t'es prêt, le Corse? Tout comme est calé? Bien sûr, Michael, comme tous les soirs. Ouais, bah justement, est-ce que ce sera le bon disque? On n'est pas à l'abri. Hein. Allez, Alan Notkin, on va se faire maintenant Fly Like Americano sur Goom Radio. C'est vendredi ce soir, on est ensemble jusqu'à 23h. Et puis, profitez bien des derniers jours de vacances hein, pour les étudiants là. Ouais, parce que c'est fini après. Enfin, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore samedi. Après, il y aura un petit mois de reprise et puis revacances. Non, attends. Merde. Attends. Non. Donc, il y a samedi. Demain, ouais. Hein, congé, forcément, c'est week-end. Dimanche. Dimanche, c'est dimanche. Lundi, c'est férié. Lundi. Bon, alors lundi, c'est férié puisque c'est le 1er novembre. Après, on commence le mardi. Ouais. Bon, on se fait une petite semaine de 4 jours. Et la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? Férié. Eh ben, on s'arrête exactement. Mercredi, c'est mercredi. Jeudi, c'est le 11, ouais. Et puis le 12, c'est le pont. C'est le pont, ouais. Et puis le vendredi, et puis voilà. Bah, c'est bon. C'est bien. Voilà. Et après, il y a les vacances de Noël. Et puis après, il y a les vacances de Noël pendant 15 jours minimum. Après, donc, ça se passe plutôt bien. Après, c'est Pâques, ouais. Et puis l'été, et une nouvelle année commence. Bah, on y est. Exactement, on y est vite, hein. Et puis, si une nouvelle année commence, un nouveau Secret Story recommence. Heureusement que t'as pas participé alors que à la France des quadricolores. Excuse-moi. Oui, heureusement, ouais. Et alors que la France entière dit Secret Story, il essaie de faire avec l'accent, tu vois, Secret Story. C'est raté, malheureusement. Et les titres en anglais, il dit avec l'accent corse et français. Ouais, d'ailleurs, le Corse, tu peux annoncer le disque qu'on va mettre là? Ah non, là, t'es dur, là. Fly Like Americano, Alan Notkin. Bon, ça va. Oh, ça va. Tu vois. C'est ça, le Corse, tu pourras presque être animateur radio. Et t'as vu qu'il y a un point, je prends chaque mot, hein. C'est plusieurs phrases. Oui. En fait, hein. Fly Like Americano. Ouais, c'est ça. Alan Notkin. Bon, allez, on s'envoie le son maintenant, justement. Donc, Alan Notkin, Fly Americano. Like Americano. Non, mais j'essaye de faire comme toi avec les points. Allez, c'est parti, vas-y, balance le son, ouais. Voilà, jusqu'au bout, le son de Alan Notkin. À l'instant, avec Fly Like Americano. Merde, je l'ai mal dit. Alan Notkin, Fly, Like, Americano. Ah, tu te galères comme le Corse, là. Je sais, mais je l'ai fait exprès. Comme le Corse, exactement, ouais. Tiens, j'ai eu une petite erreur tout à l'heure, hein, quand j'ai parlé des vacances. Ouais. J'ai dit oui, voilà, donc on va recommencer, enfin, les étudiants, en règle générale, vont recommencer, que j'ai dit, mardi. Mais en fait, non, hein, y en a qui disent, non, pas du tout, on reprend mercredi ou jeudi, et le 13, je pars 15 jours au States, c'est Ami. Très bien, la vie est belle. Ah, cool. Et alors, il y en a qui se plaignent. Oui, non, mais on recommence le jeudi, mais par contre, on n'a pas le 11 novembre. Oui, bon, on va pas pleurer non plus, hein. Oui, ça va, hein, jour férié. J'ai chialé, là. Ouais, c'est clair. On va pas verser une larme. Bah oui. Regardez Pierre, lui, il a des vacances toute l'année, lui. Putain, c'est vrai, mais tout le temps. Mais c'est toi, tu branles rien en même temps, t'es un branleur. T'es un branleur comme ça, c'est cool, mais j'ai les mains calleuses, à force de ne pas lucher. C'est ça, et payer ce qu'il est payé pour rien foutre. Ouais. C'est beau. On branle rien, mec. C'est très très beau. T'allais dire, Émilie? Oui, il y a Méline qui m'a envoyé un mail. Coucou, t'as reçu mon colis, bisous. Bah, j'ai un colis, personne me l'a donné. Ah bah si, j'ai dit qu'il y avait un message de ah Méline oui, aussi. Oui, oui, elle a envoyé tout à l'heure. Oui, t'as pris la lettre qu'Elisabeth m'a écrite. Elle va crier, elle va gueuler maintenant. Et Méline, il n'y avait pas un truc pour moi, elle a dit que c'était pour moi. Pourquoi vous avez tout pris là? Quoi? Ouais. Non, il y avait écrit Mickaël et toute l'équipe dessus. Je l'ai mangé. Je crois que c'était une lettre, mais j'ai mangé la lettre. Parce que si c'était pour Émilie, t'aurais dû marquer qu'Émilie, parce que les garçons l'ont ouvert. Non, je pense que c'était pour tout le monde, mais non, du coup, bah oui, on l'a reçu, Méline, et ils ont tout bouffé. Voilà. Mais merci, hein. Mais arrête un peu. Hey, tu sais que j'ai rien bouffé, moi. J'ai rien vu encore des colis, là, de ce qui est arrivé cet après-midi. J'ai vu les boîtes, je me suis dit, je vais pas les ouvrir et tout, ça se fait pas. Puis je suis reparti, chez moi, et après, j'ai plus revu les boîtes. L'eau, entre le Corse qui a foutu, la bouteille de whisky dans le cul, là. Y a plus rien, quoi. Oh là là. Non, ah bah ouais, bah je te confirme, c'est comme d'habitude. Si pourquoi Emilien, tu l'as pas senti? Tu l'as pas senti. Ouais. Tu l'as pas senti. Non, mais arrête un peu le corps, tout le monde sait qu'il y a... Il y a que toi qui aimais ça. Mais non, mais oui, bah oui, la prochaine fois quand vous envoyez des trucs, si vous envoyez un truc à Émilie, vous mettez à l'attention d'Émilie, ça évitera les problèmes. Ah mais attends, ça va, je pense que c'était pour tout le monde, mais là envoyer le message, t'as reçu mon colis, mais je pense que ça voulait dire est-ce que la team a reçu mon colis. Bah je sais pas, peut-être qu'elle a envoyé que pour toi. Il y a Nathalie aussi qui avait envoyé un message qui dit coucou tout le monde, je suis dans les bouchons. Donc je mange des chamallows en vous écoutant. Eh bah écoute, Nathalie, c'est gentil. Nathalie qui était là cet après-midi. Mais je crois qu'il y a deux ou trois Nathalie en France en fait, c'est pour ça. Oui, non, parce qu'elle a pris les chamallows. Ok, ok, j'aurais j'avais pas... pu être drôle, non, mais c'est pas drôle. Ça en va. Fait. Ouais, et puis oh là si là. J'avais tous les tenants, les aboutissants, on me dit rien aussi. Est-ce que tu étais venu me voir? Elle est partie avec les chamallows. Mais tu vois, si t'étais attentif quand nos auditeurs viennent nous rendre visite, au lieu de dire j'en ai rien à foutre de leur goûter de merde, peut-être que t'aurais. Non, leur goûter à deux balles, tu as dit. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Toi tout à l'heure? Pas du tout. Rien à voir. Juste une voix. T'as vu les fouteuses de merde, Mika? Des fouteuses de merde. Putain, elles me saoulent tout ça parce qu'elles ont eu moins de gaufres que moi parce que je me suis gaufré la gueule. Vraiment, j'en ai bouffé. Exactement. Six, gros bisous Clémence d'ailleurs, c'était délicieux. C'était Sinon, moi je dis bonjour également à Jérôme qui est sur le groupe Facebook qui a mis une photo d'Emilie dans 10 ans. Si vous êtes sur le groupe Facebook, allez voir, c'est. Bon, c'est bien, hein. Fais voir. Ça ressemble à quoi? Bah, allez voir. Prends la tête. Hop là, bah, allez voir sur le. En fait, hein, normalement. Non, mais là c'est Van Halloween. Ah oui, avec oui. La tête de sorcière. J'avoue tout que ça, j'ai eu très peur, ouais. Jérôme. J'aurais pu venir et te castrer, mais là pour le coup c'est. C'est bah, drôle. Je vois pas, je peux voir. Bon, si ça va. Ouais, je vois ou je vois rien. Ouais, bah oui. Non, mais c'est une vanne à la con, voilà, tout oui, simplement. Je vais faire la même. Bon, 01. Non, c'est bon. Oui, t'allais dire. Non, vas-y. Ah bon d'accord. Bon 01 55 64 13 24, si vous voulez nous joindre ce soir, on est là jusqu'à 23h hein, tout simplement avec Kate de Luna qui va arriver d'ici quelques minutes. Donc restez bien là. Il y a déjà Fredo qui a mis une photo. Alors c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle est pas là encore, enfin elle est pas encore dans l'émission, que déjà il a mis une photo sur son mur où il pose avec elle. Mais c'est dur, c'est très très dur. Avec le même sourire que d'habitude. Ouais, bah il a un sourire collé hein, c'est clair. Hein. Et il est moche. Oui. Fredo il a ce petit côté fan aussi. Ouais, ouais, ce côté fan aussi. Il est fan, ouais. Exactement. Il aime bien s'exposer. Bon, avant ça, je voulais vous parler donc d'un. Tu disais, Pierre, excuse-moi. Non, il aime bien s'exposer, voilà, c'est tout. Mais c'est ah oui, une belle coupe en même temps, donc. Et ah oui, il aime bien exposer sa coupe. C'est quand même le dernier sur Terre à avoir cette coupe-là. Donc il est normal que, tu sais, il se pavane un peu avec elle. C'est une coupe de collet. Tu sais, les chiens, les collets, là, comme la scie, là. C'est la même coupe que la scie. Oh là là, ouais, c'est un peu ça, ouais. Et puis c'est dur quand t'as un boss comme ça qui vient de gueuler dessus, t'as envie de lui dire, mec, sans guérir déjà deux secondes. Va chez le coiffeur. Ouais, c'est ça, ouais. Oulala, toi ce soir, t'es rebelle, hein. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi. Je peux. Non, bah, non, mais Mika. Mais ouais. Depuis qui c'est qui va pécho, là? Ouais, c'est ça. Je suis un autre homme. Chaud comme la braise. Mmh. Bon, on va parler des Italiens, là. Des Italiens? Ouais, bah, ouais. On va parler des Italiens, c'est un mec de 65 piges, donc un Italien en l'occurrence, qui a chuté de son vélo. Bon, jusque-là, ça peut arriver à tout le monde, hein. C'est déjà bien de faire du vélo encore sauf à 65 ans. Que son vélo faisait 4 mètres. Non, pas du elle tout. Était dans le en cerf. Fait, il s'est. Ouais, bon, ouais. Ok. Voilà. Salut, bah, je reviens. Allez hop. Bon, et donc, il s'est blessé légèrement à la tête. Jusque là, bah, c'est normal, il est tombé à vélo, il aura pu se blesser ailleurs, là, en l'occurrence, c'est à la tête. En fait, il avait été arrêté un petit peu plus tôt, dans la journée, au volant de sa voiture, il était mort bourré. Et donc, en fait, bah, quand il s'est cassé la gueule à vélo, bah, comme il était un peu blessé au niveau de la tête, il y a des passants qui ont appelé une ambulance. Donc, les flics sont arrivés aussi en se disant peut-être qu'il a été, je sais pas moi, il y a peut-être eu un accident avec une voiture, ou je sais pas quoi, quoi. Et il était toujours bourré. Mais non. Et ouais, 65 piges, le mec, on lui a enlevé son permis de conduire. Enfin, voiture, quoi. Et puis après, bah au final, il s'est dit, bah c'est bien dans un sens, tu vois, il s'est pas dit je vais continuer à prendre la voiture sans le permis. Non, il a pris le vélo. Sauf que c'est interdit de rouler à vélo ou même de marcher d'ailleurs en étant bourré. Mais ouais. Du coup, ils vont lui retirer quoi, un permis vélo qu'on a pas en fait? Non, mais tu peux faire. Non, garde bah là, garde à vue, amende, je pense. Putain, c'est ouf. Mais tu sais que moi, ça m'est arrivé sur Paris, sortie de soirée, Vélib, bourras, saras, et je prends le Vélib et tout. Et en fait, j'étais à contresens sur un trottoir, bourras. Et voiture de flic que je croise, les mecs ils me font monsieur, peut pas arrêter vous, donc tout gentil je m'arrête. Et là le mec descend et je panique et délit de fuite en vélib, improbable. Le mec il m'a couru après. Délit de fuite en vélib. Ouais, je me suis planqué dans un chantier, j'ai pris des clous dans le cul. Et tout. Mais c'est ouf. J'ai planqué le vélib, mais je suis resté caché, je sais plus combien de temps. Résultat, le truc il m'a coûté je sais plus combien. Je suis resté 2h15. Ah bah oui. Ouais, mais ça t'aurait peut-être coûté certainement beaucoup plus cher si t'avais été si t'étais fait choper par les flics. Hein. Bah c'est ça, parce qu'il me fait. Vous roulez sur un trottoir, c'est interdit. Vous roulez à 90 km/h avec le vélib. 90 en vélib en descente, ça va pas du tout, monsieur. Il me fait non mais donc à contresens sur un trottoir et monsieur, vous m'avez l'air d'avoir un peu bu quelques verres. Non, pas du tout. J'étais ultra bon. Non, pas du tout. Il y a pas de problème. Moi, le week-end dernier, pareil. J'étais sur les champs, mais j'étais pas en vélib. Et contrôle d'identité, les flics, tout ça. Ils ont voulu me faire souffler. et me verbaliser. C'est un truc de malade, en étant piéton. Hein. Mais t'étais bourrasse? Ouais, j'ai un peu jeté bien quoi. Ah, t'étais tout nu le corse, ça va pas. Vous vous êtes là dans le fion, mec. Comment tu peux. Ah, c'est ça, ouais. Quelle heure il était? Hein? Quelle heure il était? 17h. 2h du matin. 14h. 9h15, tranquille, je sortais d'Intersport, tranquille. Ouais, ah, bah écoute, c'est ça, il était au top. Hein. Intersport, hein, je l'ai placé, excusez-moi, quelle heure il était? Bien sûr. 26. C'est bien, c'est bien. Bon, il y a des messages qui sont arrivés aussi. Attends, c'est quoi? Attends, Yannick qui dit aussi. Ouais. J'ai la réponse de Méline, puisque c'est mon fil conducteur de l'émission, je ne vais parler que de ça. En fait, il y avait le colis qui était pour tout le monde, mais le Nutella qui n'était que pour moi. Voilà. Je tiens à le préciser parce que je fais gaffe. Et il est où le Nutella? Mais je sais pas. Ah bah c'est ça. Attends, je vais aller voir. Je l'ai planqué parce qu'Emilie et moi, on a décidé d'arrêter de manger du chocolat. Mais si elle est gentille, je lui en donnerai. Non, mais attends, ça veut dire que toi, tu sais où il est. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu viens nous le donner et nous, on va le cacher. Oui, c'est plus intelligent parce que là, attends. Je vais faire à Michael, attends. Non. Ouais. Non, mais si tu veux, tu peux me le filer. Hein. Moi, pour le coup, je suis pas fan de chocolat. J'aime pas ça. Donc, sinon, je peux le ramener chez moi et faire des crêpes avec ma famille aussi. Vous allez me laisser tranquille. Ah oui, en plus, il y a Françoise, donc je vais te le donner. C'est quoi, Françoise? Oh, c'est la maman non, de ma mère. Donc, déjà, tu dis pas c'est quoi parce que ça va très mal. C'est la maman non, je disais c'est quoi, c'est par rapport au nom. Attends, Françoise, c'est pas très rock'n'roll. Bah ouais, c'est pas. Tu veux qu'elle s'appelle comment, ma mère? Angie? Bah, un truc, non, je sais pas. Ma mère, elle s'appelle Georgia. C'est une vanne. Non. Non. Mais c'est trop beau, Georgia. Mais ça va te faire jusqu'à la fin de ta vie qu'on et se connaisse. Et ta mère, elle s'appelle comment, Pierre? Elle s'appelle Françoise. Tiens, gros con, je le savais. Ah, Françoise. Ouais, on l'appelle Françoise, on l'a dit. En fait, on est frères et sœurs avec Pierre. Voilà. Ah ouais, c'est bah putain, dis donc, c'est dur. Bien fait comme et ça. Le corse, toi, elle s'appelle comment? Sylvie. C'est joli. Sylvie, bah. Mais t'as vu comment personne fait aucune vanne sur la mère du corse? Vous savez, c'est des gondes. Elle se serait appelée Joseph que j'aurais fait joli. Mais c'est ça. C'est joli. Ah ouais, c'est pas mal. Canon. Et le corse. Le corse. Oui. Dis-moi, ta mère, elle oui. était. C'est, elle est pas corse. C'est que ton père qui est corse, si. Elle est moitié corse et moitié malgache. Enfin, non, pas malgache. Enfin, ouais, c'est compliqué à expliquer. C'est trop long. Alors, non, mais pourquoi c'est toujours compliqué on a avec du toi temps, vas-y, raconte. Parce que c'est trop long. Mais non, on n'a pas de temps. Il y a que de là qui débarque. Ah barque, oui, là, c'est 1955. Donc, j'expliquerai ça une autre fois. Ok. Bon bah alors on va plutôt faire ça à ce moment-là alors. Dans un Corsica chaud peut-être. Ouais, un truc. Ouais ouais, dans un Corsica chaud ouais. Tiens, il y a Marina aussi qui a envoyé un message sur le groupe Facebook qui dit c'est quoi l'adresse de Goom que je vous envoie des bonnes choses de La Rochelle. Non, oui, alors tu peux envoyer ça donc à Goom Radio, Michael, M I K L. Attention, privé. Donc bien mettre en grand, en gras pour que personne n'ouvre, hein, on sait jamais. Attends, Michael, ce qu'il faut savoir, je le dis aux auditeurs, c'est qu'il va les revendre hein, ce que vous allez lui envoyer sur eBay donc. C'est faux. Ouais, ça c'est dépend. Vrai, il y a des trucs que j'ai peut-être mangé moi, ça dépend. Si j'aime pas, je leur vends. Mais tu manges rien déjà, donc. Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, c'est absolument faux. Mais arrête de le voir aussi maigrelé, regarde-le là, il est en face de toi, tu vois bien qu'il est. Ah non, il est maigre. Je suis obèse. Voilà, rien à voir avec un obèse. Non, et par rapport à la photo d'hier où effectivement j'étais petit, d'accord, je suis maigre. Je veux bien l'admettre. Si vous n'étiez pas là hier, en fait, c'est juste qu'on y a un pote qui m'a envoyé une photo quand j'avais 6 ans, mais j'étais. Mais t'étais gras comme tout. Non, mais plus jamais. Jamais. T'avais bouffé toute ta famille, Michael, mon petit chéri. Je t'ai jamais vu manger. Je t'ai jamais vu. Tout le monde mange. Mais c'est parce que je mange pas le soir pendant l'émission, manger. Contrairement à vous qui bouffez comme des porcs. Non, Émilie me dit tout le temps, c'est, je comprends pas comment tu fais pour être comme. Ouh là là, je vais aller m'acheter une voix. Oula, je comprends oui, pas oui, comment que tu bizarre, fais ta voix, pour là. Pour être comme t'es, tu manges jamais. Mais je suis comme toi, Michael. Quand je rentre chez moi, je m'ouvre mes l'appétit avec des gâteaux. Attends, mais je genre, me fais je des pâtes. Je te dis ça, je suis pas dégueulasse. Arrête de mentir. Non, puis aussi tu bouffes aussi pas mal ici, hein, c'est ça. Non. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais moi, je mange pas quand j'arrive chez moi. Et les micros du studio B, quoi. Ouais. Il faut pas manger, hein. Eh, ouais. Cécile, le truc, c'est qu'il faut pas bouffer quand t'arrives chez toi après, hein. Je sais, mais je peux pas, j'ai faim, je te jure, Michael. Mais il faut faire comme moi, frigo vide. Ah oui, hop, c'est bien. Pas de problème comme bah ça. Moi, j'ai pas le choix, hein. Je fais pareil que toi, hein. Mais j'ai pas voulu, par contre. Chez moi, j'ai la dalle, mais je boufferai, hein. Donc, c'est horrible, ça, quand on frigo. Oui, mais en fait, t'as rien, t'as rien. Ouais, bon, il y a Marion qui m'a envoyé un message qui dit Michael, rassure-moi, t'as pas vendu mon CD de Dead by Sunrise que je t'ai envoyé. Non, non, t'inquiète pas. Non, les albums, ça, je le garde. Hein. Ça, y a pas de soucis. C'est au niveau de la bouffe. Tu vends tout. Non, mais c'est vrai, je les garde. Moi, j'ai vendu 15 euros alors. Mais oh arrête un peu, t'aimes pas ça. De toute façon, t'aurais pas craché 15 euros là. Je peux faire entre appel. Choisir un album ou une pizza, t'aurais pris la pizza. Arrête de me la faire à l'envers. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, voilà, tu vois, on y est. Hein. Bon, on revient dans quelques instants. De quoi on va parler tout à l'heure? Bah, de plein de choses, notamment des accidents bêtes. Si vous en avez déjà eu d'ailleurs des accidents bêtes, eh ben venez nous en parler. On en parlera juste après 4 de Luna. 01 55 64 13 24. Vu que Emilie a rigolé, à mon avis, elle a dû avoir un accident bête aussi, non? Ouais, c'était quand je suis morte en 82. J'étais tombée d'une chaise. Ah, très bien. Eh ben, nous en parlerons tout à l'heure. Ou alors, regardez l'histoire peut-être pour lundi. parce que c'est spécial Halloween, spécial mort. Ouais, ok. On est tous morts. On va plutôt faire ça comme ça. Ça va être drôle. Bon, on se met Bruno Mars. Yeah, grenade. Je sais pas lequel. Grenade. Je sais pas. Grenade. Mais qu'on sait pas dire le titre, mais celui-là, au moins il chante. Mets le nom de fruit là. Grenade. Just the way you are. Non, grenade. Le corps, s'il qu'est-ce te plaît. Qu'est-ce qu'il choisit? Le corps, s'il te plaît. Tu choisis quoi, le corps? Nickel. T'es beau ce soir. Hein, grenade. Arrête. Oh, allez. Ma beauté. Bon, non, l'autre, il a juste envie de pécho quelque chose au week-end. Non, Michael, non, c'est pas, déjà, c'est, j'ai déjà un rendez-vous tout à l'heure, c'est pas grave. Oh, non, c'est pas grave. Ah, t'as rien en rencard aussi, toi? Oh, il est ah, dis donc. Hein? Eh, toute l'équipe est au taquet, hein. Ouais. Ouais. Mais on a tous des rencards. Ouais. Grave. Bah, apparemment, hein. Enfin, moi, je dis grave, mais en fait, il y a un qui m'attend, mais c'est parce que je me sentais ça, en fait. Le meuf qui suit le mouvement. Grave, j'en ai 3-4. Il y a ma valise qui m'attend, c'est cool. C'est ça, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, mais Grenade, on va pas chipoter pendant 7 ans, et juste après, Kate de Luna, qui sera avec nous. Donc Kate de Luna, pour ceux qui connaissent pas, c'est celle qui chante avec Econ, Push Push. Voilà, donc on passera un petit extrait dans quelques instants, parce que le corps c'est ouais, a le temps de préparer l'extrait. Elle chantait Wine Up. Bien sûr, il y a pas de souci, Michael. Wine Up. Voilà. Ah oui, c'est vrai, elle a chanté ça aussi, oui. Mm. Oui, c'est vrai, mais à l'époque elle était beaucoup plus large, si je puis me permettre. Oui. Aujourd'hui, elle est quand même plus un peu comme Cécile quoi. Mais non, ouais, peut-être le corps, ouais. Ça me fait pas bon, mal. Allez, on se fait péter Bruno Mars maintenant avec Grenade, et puis juste après Kate de Luna qui sera avec nous sur Goom Radio. Allez, bougez pas de là. Le son de Bruno Mars à l'instant, c'était Grenade à l'instant sur Goom Radio. Tous les soirs, on est là entre 20h et 23h. Vos messages qui arrivent sur Facebook, évidemment, et puis donc facebook.com/mikaelofficiel, ou alors le 01 55 64 13 24. Et ce soir avec nous, on a Kate de Luna qui est là. Comment ça va, Kate de Luna, qui sort d'ailleurs un nouvel album, Inside Out. Voilà, en duo avec Econ. Donc c'est Push Push, pour ceux qui connaissent pas Push Push. Écoutez, c'est ça. Ça c'est pour être sûr, hein. Ouais. Et Econ aussi. Hop, comme ça tous les deux sont là. C'est parfait. Voilà, Kate de Luna et Econ, que vous avez l'occasion d'écouter souvent d'ailleurs sur Goom. Comment ça va, Kate? Oh, très bien. Ah, mais tu parles français. J'ai entendu un petit peu de français. Bien. Ah, mais tu parles bien. Moi, j'ai étudié le français à la lycée. Ouais. So, you know, I know how to speak a little bit. Au lycée. But you know, so, hey, le pas France. Mal. Oh, oui, oh. Ah, c'est bien. Mais où ça, t'as étudié en France ou aux États-Unis ou en Angleterre ou ça? Si, à l'États-Unis. Okay. You asked me if I studied it in America, right? Yeah. Yeah, I was in school, for 4 years at Caen and at la lycée, you know, so. You know, when I come here to France, I practice with the fans and stuff, and even like when I go do interviews and stuff, so I like to, you know, and I speak Spanish, so it's very similar. So, you know, that's why I love France. It's like, I feel at home. D'accord, ok. Donc, elle a fait 4 ans de français, en fait, ouais. Au lycée, donc, elle parle un tout petit peu, et quand elle vient en France, du coup, elle parle avec les fans, et même en interview, elle essaye de placer quelques mots et d'apprendre un petit peu encore plus. D'accord. Du coup, elle adore la France pour ça, quoi, parce qu'elle se sent à l'aise et elle se sent comme à la maison, donc. D'accord, elle kiffe le français. Très bien. Bah, tu viens souvent en France? You often come in France. Oh. Very much, very much. Well, you see, France itself was responsible for actually breaking my first album, Nine Lives, in Europe. My first single ever, Wine Up, featuring Elephant Man. So I came here, you know, to do promotions all the time, to do song after songs. It's really been the base of it all for Europe. En fait, sa musique, elle est partie de chez nous parce qu'on était les premiers à diffuser Wine Up. Ouais. C'était son premier single à l'époque. Et du coup, oui, elle vient très souvent ici parce qu'elle démarre à chaque fois sa promo par la France et elle adore venir en France. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Alors, Kate, justement, il y a Mika, comme on sait que tu viens de la République Dominicaine. Je voudrais savoir, c'est une des dernières langues qu'il maîtrise pas encore très bien. comment on doit dire en espagnol pour aborder une fille et lui dire qu'on aimerait bien aller plus loin? How do you say what in Spanish? Oh, ah oui, comment on dit en espagnol? Yeah, oui, non, that's si, exactly bien sûr. That. That's exactly that. You want to know some Spanish words to seduce the women? Dominican women, okay. Because he's a seducer of the team. Hola, ¿qué tal? No. Si. Dominican men, they're more like suave, you know, they like to sweet talk. So they wouldn't say like, they don't say things like, how are you? They say like, damn, mommy, like, you know, they'll be like, diablo, mommy, tú estás buena. You know, I'm like, yo, que lo que? So you could be like, hey, mommy, que lo que? Like, what's up? Vas-y, mommy, okay. Hey, mommy, que lo que lo que? No. That one, que lo que? You know, or like, you could say, well, they also say a lot of like, again, sweet talks. So it's like a lot of sweet, but a little bit of hardness. So c'est un peu dur et... Ah, okay. Et doux à la fois, tu vois, c'est pas juste des salut ça va, c'est la lambada, yeah, quoi. Ça va. Yes, ça va. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, ça va, bro. of both, you know? Like, muy bonita. No, bella, tan bella, tesoro. Tesoro is like treasure. Faut que je note. Ouais, ouais, il va noter. Écrit, elle est papier. Oh. Ok, très bien, parfait. Et alors, comment ça se passe au niveau de... Parce qu'en général, les latinos américains sont pas forcément fans avec la communauté espagnole d'Europe, en l'occurrence. Ça va bien? Tu vas souvent en Espagne? T'aimes bien ou pas? Je parle vite, je suis désolé. He said if I've been to Spain... Yeah, and if it's good for you with the Spanish, because Latinos, American, and Spanish are not very friends, usually. So. Oh, yeah? Oh, well, I haven't yet experienced that, but you mean if it's good for me to be able to be Latina and speak, you know, Spanish and do Spanish music? Mm-hmm. That's what you're asking me. And if everything goes well with the Spanish people and not Spanish in America, you know? Oh, okay. Well, no, amazingly to me, you know, I'm Dominican from Dominican roots. Girl from, you know, from New York, but Dominican. Dominicana, okay. Que lo que? You know, that's what we talk. I've been really blessed to be accepted by throughout just Latin America, even Spain. I have, believe it or not, I have not been yet in Spain physically, but my music itself has been very accepted. Los españoles, ¿cómo están? You know, and I'm really just excited about it all. I feel like I'm a girl that, yeah, I'm Latina, yeah, I'm American, yeah, you know, I have curly hair and, you know, whatever, I'm dark skin or like, you know, but I really relate to all type of people around the world. And I try to do that through my music. Elle dit en fait que elle ressent pas du tout la différence entre les latinos américains et les latinos d'Espagne. Alors elle est jamais allée vraiment physiquement en Espagne, mais sa musique est jouée là-bas. Elle est très bien accueillie. Et elle dit oui, je suis de la République dominicaine, je suis aussi des États-Unis, j'ai des origines espagnoles. Elle dit j'ai la peau bronzée, j'ai la peau mate, j'ai des boucles et tout ça. Mais elle est vraiment un mélange de tout ça et elle veut que tout le monde s'entende bien et fasse pas des différences justement au niveau des cultures. Quoi. D'accord. Elle essaye de remettre tout ça dans sa musique justement. Et juste une question qui n'a rien à voir avec toi vraiment, Kedula. Comme d'habitude. D'habitude, on n'a pas le droit ici à la radio, on reçoit rien. Comme là, t'as plein de trucs. Je peux te prendre un Coca Zéro? Oh, he spoke too fast. Oui, je parle vite. Oui, I didn't understand. Could he steal you a Coca? I'm sorry? Huh? Could he steal you a Coca? Can he steal me a Coca? Yeah. Let me see. If I give you one, then I have like, because I have four, then I have like three left. Elle dit si je t'en donne un, je vais en avoir plus que trois, donc j'ai dit. But you know what? Yeah, you know what? I'm gonna give you Coca Light because I like the Coca Zero. Okay. I can give you my favorite. The same for me. Thank you. You're welcome. Ça va, tu vois, c'est gentil, tu vois. Ça, c'est gentil. Yeah. Ça fait plaisir. When there are no guests, we don't have anything to drink. So, oh, yeah? Oh, you guys want some? You sure? No, just for me. Oh, thank you. Also, only bon. You get to drink, not them, yeah. Huh? Okay. Bon, Kat, comme c'est la première fois qu'on te reçoit, on va te faire l'interview. Première fois, maintenant, ça va nous permettre de mieux te connaître, en fait, tout simplement. To know you well, we're gonna do the interview first time. Oh, amazing. Okay. Okay. Première question. Est-ce que tu te souviens du premier disque que tu as acheté? Do you remember of the first record you bought? The first record I had out, like as in radio, or the first record that I did? No, you have about you to listen. Wait, I'm sorry. Can we record? that you buy? You know? Oh, the first record that I bought with my own money. Yeah. Yes, it was a score by the Fugees. Fugees. Fugees. Pas mal. Ah oui, c'était avec Ready or Not, etc. qu'il y avait sur l'album. Très très bon d'ailleurs. Est-ce que tu te souviens de ton premier amour? Of your first love. Oh wow. I had to be like three. I remember he was like this blonde boy. I don't know why I was in love with him. I even still have a picture of me like kissing him or something. You know, little baby kisses. Yeah, I remember that. I don't even remember his name. C'est un petit blond, elle s'en rappelle même pas du nom. Elle a encore une image d'elle en train de lui faire un bisou, mais apparemment elle était vraiment très jeune et elle se souvient plus où c'était. C'était un bisou d'enfant, voilà. Ouais. Bon, est-ce que tu te souviens de la première fois où t'es un petit peu trop cuvé? The first time you get drunk? No, you know what? I've never really gotten drunk because I don't drink. I don't like to drink. I only sometimes, I mean, now I'm 22. I wasn't able to drink, of course. But I do remember, I think last year I got together with my friends and it was Thanksgiving. It was around my birthday. Okay. My birthday is November 26th. Woohoo! Okay. It's coming up. You know what's up? Happy birthday. Yeah. And I got, you know what they call it? Nice. Mm. So that's it. That's the furthest I've ever, like, but I don't do that. Okay, donc alors, jamais vraiment I'm crazy right now. Imagine if I get drunk. crazy. That's not false. Imagine. Elle dit qu'elle est déjà assez faux folle en fait pour se saouler. Donc imagine si elle était bourrée. Ouais. Elle dit non, je bois pas énormément à part l'an dernier où elle a fêté Thanksgiving avec ses potes qui est juste pas loin de son anniversaire parce qu'elle est née le 26 novembre. Donc elle a dit c'est bientôt. Oui, exactement. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et elle a bu des cocktails mais légers. Elle a 22 ans donc elle a le droit de boire aux États-Unis mais des trucs légers. Elle a jamais vraiment pris la grosse cuitasse quoi. D'accord. Ok. Bon, est-ce que tu te souviens du premier concert qu'elle a vu? Do you remember of the first show you've seen? The first band on stage? The first band that I saw on stage? Fugees? Oh, wow. Oh. I think it was in the Dominican Republic, and it was Los Hermanos Rosario. And it's like, that's like a merengue band. That's the first ever, like, OMG, oh my God, I'm here live. but it had to be, again, another Spanish act in New York. And there's like a Spanish station, like, so I just went to like their stuff. I just like to see people just performing. I feel like what's really created me, and I know this is probably answering another question, but I'm going there, what's created my personality on stage is very, I feel like I'm very outgoing and very like, I say Latina. Like I feel Beyonce is like that a lot. Like she's very like, hey, let's go. Yeah, you know. And I get that from like the old Latin merengue bands, you know. So I think that's built me. So those were the first people that I ever saw ever on stage live. C'est un groupe de la République Dominicaine en fait, et elle va beaucoup voir des concerts aussi comme ça à New York, des concerts espagnols de gens pas forcément connus, mais des bandes un peu latina comme elle disait, et c'est ce qui lui a apporté cette fougue un peu latine comme à Beyoncé, d'être très olé olé. J'essaye de le mimer mais c'est complètement justement elle s'inspire de ça et c'était son premier concert. Ok, alors est-ce que tu te souviens de son premier voyage? Of your first trip? Yes, my first trip, and I remember it was from New York to the Dominican Republic. Mm-hmm. And back and forth. Yeah. I was I don't remember the first time because I was a baby, but then, you know, I used to come back and forth. So once, I do remember when I came back to the States. So I was almost five and a half. I remember that. 5 ans quand elle a fait le retour aux États-Unis de la République Dominicaine. And I know this is like disgusting, but I was like with my sister. She's like a year younger than me, and she got like basically like sick, and she like vomited all over me. Sa petite sœur a vomi sur elle dans l'avion. Elle dit c'est une histoire dégueulasse, mais pour le coup elle s'en rappelle. Ouais, bah oui, en même temps moi elle s'en rappelle. Bon, est-ce qu'elle se souvient de la première chanson qu'elle a écrite? Of the first song you've written? Yes, the first song that I ever wrote was called Estoy Muy Triste, and it was when I was 9 years old, and I wrote it about my mom's and my dad's basically divorce, and it was more like a song to basically uplift my mom and say, you know, as a woman, you could get up from this. You know, she, both of them, but especially her, went through a hard time. C'était une chanson qu'elle a écrite quand elle avait 9 ans, quand ses parents ont divorcé en fait, et c'était une chanson pour sa maman, pour qu'elle se sente forte et qu'elle passe cette période difficile de sa vie justement, et d'ailleurs elle l'a fait, elle a eu... D'accord. Elle a eu courage. Juste une petite parenthèse, elle dit que je parle vite en français, mais alors elle en anglais, yeah, ça me fait quelqu'un d'oulana, regarde sur la tête. Ouais. C'est pareil chez elle, alors je veux bien me calmer si elle va moins French, vite. But you too in English. Oh yeah, yeah, and in Spanish, forget it. Ouais, bah le Bika, il parle espagnol lui, non? Si. Loca. ¿De dónde tú eres? What? ¿Eres latino o hispano? Yeah! Oh, sorry. No, italienne. T'as des origines italiennes, non? Oui. Ah, yeah, you speak Italian, my brother. Non. Non? Ok, sorry. Bella ragazza, bello, bello. Ah, si, ça oui. Bon, et est-ce qu'elle se souvient du premier concert qu'elle a fait? Et c'était où? And the first time you were on stage. Do you remember it? The first time, I was on stage. I remember when I was 3 years old, and it was a talent show in DR. That's actually how I got discovered. And it was for my school, and I sang just like a big ballad from this lady called Amanda Miguel, and it was called El Me Mintio. Elle avait 3 ans et c'était pour son école, pour un contest de talent à son école en fait, et elle a chanté une chanson de what was the singer, excuse me, Amanda Miguel. Voilà, okay. Amanda Miguel, et ça s'appelait El Me Mintio. The name of the song? Oh, I'm sorry. Yeah, El Me Mintio. El Me Mintio. He lied to me. Très bien. Le bruit du téléphone, ça c'est à cause du BlackBerry. On a des problèmes qu'avec des BlackBerry. Ah, je viens de comprendre. El Me Mintio, he lied to me. Il m'a menti. Oh, ça y est, I get your word. Okay. Il était temps. Bon, son nouveau single donc s'appelle Push Push, en duo avec Akon. C'est lui qui voulait travailler avec toi ou c'est toi qui étais vers lui? Comment ça s'est passé? How was it working with Akon? Yeah. Will you ask me? Yeah. And how did you meet each other? Well, we, Akon and I, we met each other actually the first year that I came out, 2007, through friends, Red One actually, which is my producer, the one that produced my first record ever. And again, he's producing my sophomore album that comes out now, Inside Out. But anyways, going back to me and Akon. Akon just took a shine to me. Like, once, this is how we met. So I guess Red One was just playing him the songs of the album, and he heard the song Am I Dreaming? Which was, you know, in the European version of the album. Yeah. And without me knowing, I didn't even know Akon got on the song. And then Red One was like, OMG, look at this. Like, there's someone on the song. And I, you know, I didn't expect it to be Akon. I thought it was just, you know, any, like, you know, singer. And when I heard that it was Akon, I was like, OMG. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. And then we met, and we've, like, he's so amazing, so talented. We've shared a lot. You know, he's the first person from Senegal to make it out to be a pop star. I'm the first Dominican artist ever to cross over to a pop international level in English. So, it's, you know, we share a lot of stuff like that musically. And then coming around to my second album, he knew, oh, you're going to work on your second album. And he also had another idea, and that's how Push Push came about. Alors, ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de Red One, qui est le producteur de Cat Deluna, en fait, qui était le producteur de son premier album, qui est encore une fois le producteur ici et qui travaille aussi avec Akon. Du coup, il a passé des chansons à Akon, qui les a bossées de son côté, en fait, et elle, on lui a dit Push Push, ça va être avec un chanteur, mais elle se doutait pas du tout que ça allait être Akon. Et quand on lui a dit c'est Akon qui va chanter sur son morceau, elle s'est dit ah, ok quoi. Ouf, ouais, c'est ça, la classe. C'est juste fou. Et en fait, déjà, ils s'étaient rencontrés une fois, ils s'étaient hyper bien entendus, ils se sont revus pour bosser ensemble et ça s'est hyper bien passé parce qu'elle nous dit que Akon, c'est le premier artiste sénégalais à percé aux États-Unis et dans le monde avec une musique en anglais. Elle, c'est pareil pour la République dominicaine, donc ils partagent beaucoup de choses et pour le coup, c'était une évidence de bosser avec lui, quoi. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une petite pause. On va se mettre le son justement de. Elle va écouter Cat Deluna maintenant avec Akon. On se met Push Push. We're gonna listen to Push Push now. Oh, amazing, thank you. Let's go, Push Push. Et bah, c'est parti. On envoie ça juste après la pub. Ne bougez pas de là, on revient juste après ça. Voilà le son de Cat Deluna maintenant avec Akon, c'était Push Push. Tiens, si elle pouvait le désannoncer, mais en espagnol. Can you just tell everyone it was Push Push, but in Spanish? In just radio. Listen to Push Push. So you want me to say, well, Push Push means empuja, empuja. Just like Push Push, like it's just pushing something. It's actually a dance step. But you know how we say in Spanish, again, Dominican. you know, it's like really, it's like, you know, when you stand up and you basically like just jump and put like your hands in front of your, like your waist and just like wind it and like push and you jump up. It's like that, like push, push, push to the bush. Remember that? T'as compris, Mika? Non. Ah bah merde. En fait, c'est dur de l'expliquer en espagnol parce qu'elle essaye, pour le désannoncer en espagnol, elle essaye de nous expliquer ce que ça veut dire et c'est en fait la danse du push push, quoi. Encore une fois, je le fais. Yeah, you see, yeah, so he knows. So then, what I did was I took push push in English, but I made like another dance to it, and it's the one that where you swivel the feet to the side and then you jump on your heel toe okay. On each side, and you could see it actually in the video clip where I do it, and it's real fun. Everyone here, we are just bad dancers. So you guys won't try it, you sure? Yeah, oui, bien sûr, Mika va essayer. Ouais, bah je te remercie. Qu'est-ce que tu as pour aujourd'hui? Ok, il faut que j'essaye quoi? Push, push? Ouais. Ah oui, comme ça. Ok, bah well, it's good ça. It's good, ouais, it's good. He's gonna do it with you. He's gonna do it with me? Ok. Oh yeah, donc duo Cat Deluna Mika. All you have to do is like... Oh, sorry. All you have to do is put the feet... Ouais. Together, right? And all you do is from like you go right, left, left. Comment est-ce qu'il doit danser, hein? À droite, à gauche. Voilà. À droite, with à droite. Your feet. So you go like this. Okay. Like push, this. Okay, ça, push. Ça c'est bon, ça. Okay. Left. Left. Like skiing. Right. No, but look, left, and then you come here to the side. Okay. And then you go. Sur le côté, mais toi. You gotta look at my feet. So it goes like. Heel, toe. Ah, il faut voir lui, ça. Ah oui. Look. Bon, il est de 20 centimètres quand même. Look. So it's heel. Look, I don't know if these are the perfect shoes for it, but look. Approche-toi, Mickey. Yeah. It goes like heel, toe. Turn. So you get on your heel and your toe. How can you do this with your shoes? I've broken a pair already. Cela dit, so it goes like right, left, heel, toe, turn. Elle danse là. Mika est en train de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Non, Mika est pas bien là. Non, mais Mika, en fait, il veut juste danser un slow avec Cat Deluna. Move your booty. Move your booty. Go. Well, he kind of looks sexy doing it. Let me find out. Bon, physiquement, évidemment, dès le début, tu marques des points moins. Hein. Ouais. Oui, bah oui. Dès le début, c'est mort. Hein. Bon, donc, si t'as besoin de lui sur un prochain clip. if you need him for your next video, yeah, he's okay. Okay, okay. I mean, I'm starting to do videos actually. You know, the album drops all throughout Europe in its specific dates. I know Belgium will get it the 5th. And then a couple of countries more get in at 12th. Then comes France. But I'm really excited throughout just the whole album. It's like, you know, the Cataluna you guys met in 2007, but evolved. You know, it's definitely, it's called Inside Out. And it really means Cat coming by herself. Not a lot of features in the album. And musically, again, like I said, it's like an evolution of itself. Sonically, it's still that very, you know, club, dance, that je ne sais quoi Cataluna sound. Like, it's so like catchy. And I'm really excited. And the, you know, it's funny. I have two versions, the European and the American. And for the European, I made it more dancey and more hype because that's how I feel when I come here. Everybody just likes to have more of a good time. And the American one is still hype, but it still has a couple of more ballads and stuff. But throughout it all, it's, I feel like it's an amazing album and I can't wait for just the whole Europe to get it. Allez, vas-y, Emily, traduction. Alors, hop là, tout sans rater un mot. But you could cut it. That's okay. En fait, elle nous dit qu'elle n'a pas encore retourné tous les clips parce que l'album n'est pas sorti dans tous les pays en Europe. Donc déjà, il y a deux versions, une version américaine et une version européenne. Et en Europe, il y a des dates différentes pour les pays. Le 5 novembre, si c'est bien ça, en Belgique. Après, il y a une autre date en France, une autre date en Espagne, etc. Et pourquoi elle a fait deux versions de cet album? En fait, parce qu'elle a senti que la France et l'Europe en particulier avaient besoin de morceaux vraiment où il y avait plus de dance, plus de trucs pour danser. Alors qu'aux États-Unis, ils ont plus de ballades sur l'album. Et si ça s'appelle Inside Out, c'est parce que c'est vraiment Cat de Luna qui se révèle et pas beaucoup de featuring sur cet album comme sur le précédent en 2007. Mais vraiment elle, sa musique, ce qu'elle avait envie de faire et voilà. Et elle se languit que ça sorte. Très bien. Et avec qui elle a travaillé sur l'album justement Inside Out? We work with you on this record Inside Out. Well, of course, Red One. He's actually executive producer with Tyrone Edmond from GMB, which is the production company I'm signed to, and 86, which is an actual producer that's signed to GMB. Myself as a writer, and like I co-wrote with a couple of writers, but basically, I really came out hard in this album. Just I really wanted to write all the songs, even if it was like a simple song. I wanted to write it because I feel, again, it's Inside Out. It has to be more of a Cataluna thing. Even if I'm saying the stars are blue, I'm gonna relate it. I'm, you know, as an example, I'm just gonna relate it in my own way and not let someone else do it. But I think you're gonna be able to shake your booty, you know, a lot more. You know, and shake the tail. So I'm really excited. Alors, en fait, elle a bossé encore avec Red One et les mêmes producteurs que pour son album précédent. Quelques personnes qui ont écrit les chansons, mais surtout elle, parce que, encore une fois, elle nous dit que si elle l'a appelée Inside Out, c'est parce qu'elle se révèle vraiment. Ouais. Et même la chanson la plus simple et la plus dansante, elle avait envie de l'écrire elle-même pour vraiment mettre sa patte sur cet album-là, quoi. Et elle pense que tu pourras bouger ton popotin sur bien cet sûr, album. Bien sûr, je suis un très grand danseur. Ouais, non, mais c'est vrai. And a surprise, you know, I'm doing a lot of videos for the actual songs. One of the songs that you guys are gonna hear, of course, you know, there is Push Push. There's a song called Be There. There's another song called Party O'Clock. And I'm actually shooting the video for that here in France the first week of November. So, great. Yeah, I'm really excited. So, you know, you guys are coming. You know what I'm saying? You know, I gotta like, you know, we gotta chat it up to see, you know, if you got the moves to be in the video with me. Yeah. You can be the guy, you know, if you want to be it. The garçon, le videoclip. We got to train. Tu danses avec moi et moi videoclip. Oui, ouais, okay. Bah, c'est pas sûr. Hein. I'm in. Ah, yeah, elle va faire beaucoup de clips en France, en fait. C'est ce qu'elle nous dit. À partir de novembre, beaucoup de clips pour apparemment trois chansons. Donc, il y a déjà Push Push qui est sorti, mais il y en a plusieurs autres qui vont arriver et qu'elle va tourner en France. Et elle dit à Mika, tu t'entraînes un peu, on voit si t'arrives à checker les pas et tu viens danser avec moi sur le jeu. Incruste-nous. Yeah. Ouais, bah ouais, enfin bon, t'as déjà vu la peau d'Emily là. C'est-à-dire que physiquement, elle fera pas très République Dominicaine. Blongers can be in your video clip. Yes. You say no. Why not? Bah, la peau, là, trop blanche, on dirait qu'elle vient du nord là. I could be I don't know, bartender. You could be my sexy girl. So basically, you know, the song itself is, it's an amazing song. I know, you know, Europe is amazing in a way because everyone picks, like, you know, their singles and stuff, but this song itself is just calling the whole world to come and party at one time, and the time zone is Party O'Clock. So, you know, just to give you guys, you know, you guys will be the first to know, but just to give you guys a little bit of you know, insight. Basically, I'm bringing the whole world literally in this, like, video clip. So, blonde girls around. Okay. Yeah, I'm saying that. What's that, girl? You know, you could come and be my, like, real, like, French girl. En fait, elle dit que c'est une petite exclue, hein. Enfin, même une grosse exclue, parce qu'elle nous dit à l'intérieur du clip, c'est la première fois qu'elle en parle. Elle va vraiment faire un microcosme et toutes les personnes de toutes les nationalités vont venir danser dans son clip. Ce sera comme genre une grande fête. Donc oui, les blondes sont autorisées. Ah ouais, je serai sa French girl. Mais je disais pas un truc sur les blondes. Moi, j'ai un truc sur les sur la peau, la couleur, les, la couleur de peau. Moche, la couleur de peau. C'est bien, ça fera. Ah ouais, ça va casser, ouais, c'est sûr. Are you jealous? No, yes. No way. Do you want to be in the video clip? T'es jaloux. Je suis trop cher. The eyes of the tiger. T'as raison, ouais. Bon, et donc comme tu viens de la République dominicaine, musicalement, il y a quoi là-bas qui marche? C'est un peu la même chose qu'ailleurs ou c'est plus particulier? Nowadays in in Dominican Republic, what are the fashion and the music? What are the bands are we are famous now in Republic Dominican? You mean, does he want to ask me what bands or what music? Yeah, what kind of music or what bands? The same well, like itself, the USA or not? Well, yeah, no. Well, no. Yeah, Dominican Republic, you know, it's a Caribbean island. It's like amazingly like known, you know, for the tourism and everyone that just goes out there for, you know, the party, the women, you know. But itself is beautiful because it's very diverse in music. It's very, believe it or not, European influence. So everything that's out here is out there. Merengue is our music. Okay. Bachata, which is like, you know, huge in the, all Latin America as well. But we dance it all. We dance reggae. I mean, I'm Dominican and I dance it all. Like I started dancing when I was one. I was already doing empuja, push, para abajo. You know, para abajo means go down, go low. Yeah. You know, so I was already doing it when I was one years old. So, right now, actually funny that you say what music is fun. Shakira just did a song, Loca. Mm-hmm. And that's actually a remake of a Dominican, El Cata, a Dominican guy. That song that she did is a remake. So she sampled that, and that's merengue. So that could say actually, like, I feel like the Dominican culture is really influencing not only Americans, you know, through, like, you know, the baseball players and just, you know, like, if you go to New York City, you go to the Heights. You know, that's like Dominican City. Broadway had a show name in the Heights, you know. So, musically, I think they could get it. So, yeah. Elle dit qu'en République Dominicaine, il y a la musique dont elle nous parlait tout à l'heure, le merengue, je crois qu'on appelle ça comme ça en français. Ouais. Et beaucoup de musique latino, c'est les premiers concerts qu'elle avait vus et c'est la musique qu'elle aimait bien. Mais il y a aussi toutes les influences, évidemment, américaines et aussi européennes. Il y a les mêmes musiques qu'on écoute ici, en fait, mais là-bas. Et d'ailleurs, elle nous disait que la dernière chanson de Shakira, Loca Loca, c'était un remake d'une chanson d'un mec là-bas, en fait, qui chantait ça. Donc, ils ont exactement la même musique. Et c'est très important dans leur culture, puisqu'elle nous disait qu'à un an, elle faisait déjà le push-push et qu'elle dansait déjà. C'est ça, il y a un an. But wait, you know, and actually, in Wind Up, the first song that I had, the place that goes like, Loquero, toca loquero, loca que ta. Remember that part? Yeah. Well, that is actually a chant of like a Dominican song. So I also did that, you know, a lot. You'll get it like in musically, Am I Dreaming? That was bachata. Remember? So, you know, so I've influenced it too. D'accord. Bon, vas-y, traduis. Il y a des morceaux, en fait, culturels qui arrivent à se mêler avec la musique moderne. Et c'est ce qu'elle avait fait, elle, dans Wind Up en 2007. Elle avait pris un extrait d'une chanson typique dominicaine. Et elle l'avait mis dans son single. Donc, il y a beaucoup d'influences comme ça. Mais évidemment, c'est aussi moderne, quoi. D'accord. Moi, la musique, la seule que j'aime... Enfin, je suis pas très musique espagnole. Mais la seule des Caraïbes que j'aime bien, c'est Chan Chan. Je sais pas si elle connaît. Do you know Chan Chan? Chan chan chan. Non, c'est un vieux, c'est un truc cubain. This is an old Cuban song. This is the only one he knows. And oh, you're sharing your favorite song with me. I feel really special. C'est très spécial. Oh, ouais, elle connaît ou pas Chan Chan? Non, elle connaît pas. Mais si, elle connaît. Oh là là, t'es trop mignon. Tu partages ta chanson préférée. Mais oui, mais elle est bien, mais elle connaît. Écoute, c'est ça. C'est Cabrel, ça. Oui. Bah oui. Mais oui, tout le monde connaît ça. La même à toupé. I didn't know that was an amazing Cuban song. Voilà, la musique cubaine, j'avais dit. Well, that's like a very old school classic. You know, ouais, Cuban c'est classique. Song. Non, mais voilà, mais moi j'aime bien celle-là pour le coup, effectivement. Ouais. Donc voilà, donc ça on like sait pour la République dominicaine, donc ça c'est parfait. Et alors oui, alors au niveau des vacances, comme j'aime bien y aller, République dominicaine, j'ai déjà fait la Romana. J'ai déjà été là-bas. D'où elle vient exactement de Rabdom? Where do you come from exactly in Dominican Republic? I come from La Capital. You know what? Now since you're sharing songs, I mean, I don't know if this... Am I able to share songs too? Yeah, of course, on his internet. Can I go to YouTube? Mm-hmm. Elle va aller sur YouTube avec un truc pour nous montrer une chanson, en fait. Ok, alors attends, YouTube. Alors attends, on va trouver. Hop là, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut sur YouTube? Oh, sorry. You're throwing cups at me. I think he's in love. Is that how you show love? Oh, non, non, non, non. Voilà, donc attends, on est sur YouTube, là, on va voir ce qu'elle, on va voir ce qu'elle veut. Ouais, on va faire la fête avec elle. La Duna del Swing. Hop. Attends, regarde. On cherche en même temps, on est à la cool, là, on est tranquille. C'est juste. Elle est trop drôle. Attends. Elle a trouvé? Ouais, bah, apparemment. It's a very old song, and this is when I was telling you that this is one of my favorite Dominican songs. It's from actually Los Hermanos Rosarios. Los Hermanos Rosarios. Do I do this? Los Hermanos Rosarios. No, not like that. Los Hermanos Rosario. Los Hermanos. Enfin, ouais, ouais. We don't do that with the C, con la Z. La okay. Attends. Los Hermanos Rosario. Ouais. Attends, on a le son là. Ah, c'est dur, sans... C'est typico Dominican, merengue. Hey. Elle est bien. Ah, alors, mais nous, on travaille. Ah oui, c'est vieux aussi, mais je préfère Chan Chan. Hein. Ah. C'est plus dansant, quoi. Ouais, c'est plus dansant, ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. He's basically talking about a woman that dances amazing. And he's saying that lady got swings. So I think about myself. You know, hold on, let me put it to that part. En fait, il parle dans la chanson d'une meuf qui danse hyper bien et qui a vraiment le groove et tout, donc elle s'imagine trop qu'il parle d'elle et elle danse. Donc elle kiffe. Swing. Non, bah, il faut voir Rob Kip quand même, il y a une grosse au milieu là, c'est dur. Hein. Swing. I know that one, I. Swing. Swing. Swing. Swing. Alors, donc j'ai le titre là, donc c'est ceux qui veulent aller voir. So that's my favorite. Los Hermanos Rosario. Yeah, la dueña del swing. Ouais, voilà, t'as vu un peu, premier sur l'espagnol maintenant. Hop là, on est au top ce soir. C'est cool. The très simple bien. Title ever. Ouais, alors vraiment du coup, on a éludé ma question. Donc elle vient d'où exactement en République Dominicaine? De la capitale. Ah oui, de la capitale. Ouais. Ouais, oh, voilà, sorry, c'est ça. Sorry. Okay. Exactly where I'm from. Ouais. So my mother's from a pueblito, a little country called Bayaguana. Voilà, which is actually to tell you the truth, Christopher Columbus, you know, the first land that he ever landed on was Dominican Republic, Hispaniola, and the second, you could say, Catholic church ever is there. So they call that the City of God, Bayaguana. But then they grew up in Santo Domingo, the capital. And my father is from Puerto Plata. So, you know, there it is. But I lived in the capital. Being with you is like being in holidays. We are, hey, you bring a... Hotness here. I don't know. Alors, en fait, elle dit que son papa est d'une ville qui s'appelle... Your father, the town? Oh, I'm sorry. He was born in Puerto Plata. Voilà, Puerto Plata. Et elle a grandi dans la capitale, évidemment. Et sa maman, dans un petit village, en fait, où il y a l'une des plus vieilles églises du monde. Donc, elle s'appelle la Cité de Dieu. C'est le village s'appelle comme ça. D'accord. Moi, j'avais déjà été à la Romana. Donc, éventuellement, s'il y a une chambre à me prêter, j'irai bien visiter la capitale. It went to Romana, but if you can lodging him, he would love to visit the capital. You've never been to the capital. non, pas encore, non. Oh, no. Not yet. Oh man, come on. Ah, yeah, bah, alright, when désolé. I have a show there, I'm gonna invite you. Okay. Quand elle fera un concert là-bas, elle t'invite. Ah bah très bien, parfait. Je you retiens tout ça. You know a lot of ça. French men marry a lot of Dominican women. Ooh, something. I got a couple of cousins. Elle dit qu'elle a des cousines à lui présenter. Okay. Il y a beaucoup de mecs français qui se maquent avec des Dominicaines. Très bien, parfait. Bon, bah Mika va râler maintenant. Hein. Non, je te suis moi. Ah, il vient avec. Très bien, il vient aussi. Ouais. Non, Pierre malheureusement lui est pris, il pourra pas venir. Ah bah il est laid surtout. Ah, ouais. C'est ça en fait, c'est ça. Bon, est-ce que t'as d'autres projets malgré tous les concerts qui vont suivre, etc. Il y a autre chose de prévu là prochainement, film éventuellement. Ouais, le cinéma, moi je le mets. Ouais. You're gonna have a lot of shows and a lot of projects, but after your album, do you have already new plans? Cinema or? Well, definitely after this album, I'm already starting to record my third. I'm trying to really get this, you know how I like to say, become a monster in my category of, you know, world pop Latin artist. But yeah, I definitely want to act. I definitely, you know, want to have a fashion line. I want to be involved with a lot of stuff. And I think there's a time and place for everything. And I know that you have to be diverse, but right now my main thing, you know, it's funny. I'm one of the few artists that is very musically diverse. So that's a harder job, you know, so I have to really, you know what I'm trying to say? I have to really concentrate focus yourself, on that. Yeah. Yeah, because like my French fans, my African friends, my American fans, my fans in outer space, you know, so I really have to like target to that. But yeah, I would want to do like probably, I always like to say, if they ever do the biography of Gloria Estefan, I want to do it. Elle veut faire évidemment plein de choses. Elle adore la mode, le cinéma et jouer la comédie. Effectivement, ça la branche et tout. Mais avant tout ça, elle veut être juste une cadre dans sa catégorie, donc la world music. Et vu qu'elle a des fans partout dans le monde et des albums qui sortent, je te dis tout à l'heure, pas au même moment. Elle veut d'abord se concentrer sur ça, sur la musique, devenir vraiment une pro de la world music. Et dès qu'elle aura fini la promo de cet album, elle enchaînera déjà sur l'enregistrement du prochain, donc du troisième album. Elle est vraiment concentrée musique, mais après pourquoi pas, puisqu'elle veut se diversifier. Okay, je vois trop bien dans How I Met Your Mother. You could be a guest of How I Met Your Mother. Oh, okay. You too, Pierre. Oh, well, yeah, I would do. No, no. Like, oh, that's what you're saying. Yeah, I would love to be guest. And just, like, I also like, I know it's, like, kind of older demographic, but I like Law & Order. You know, I also like Gossip Girl. Law & Order. You know, Glee. There might be also some French shows I could be like. Law and Order, c'est comment on a dit en français? En français, c'est la loi et l'ordre. Non, c'est oh là là, Tintin. Oui, je sais. Ouais, crime et pouvoir. Non, New York investigation. New York unité spéciale. New York unité spéciale. You know what would be my line? Je t'aime. Every time here's a line, je t'aime. The only thing I know how to say really perfect. Bon, c'est déjà bien. Hein. Ouais. You got it. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ataluna's acting career started by Jetta. Elle aimerait bien ce qu'elle disait tout à l'heure. Enfin, des séries, pourquoi pas. Elle adore Glee, elle adore bon, Law & Order, on en a parlé et tout. How I Met, machin. Et elle dit qu'elle commencera sa carrière d'actrice avec cette phrase. Je t'aime. Je t'aime. Parce qu'elle la maîtrise. Non, mais c'est bien aussi déjà. Hein. Bon, bah, merci en tout cas, Kat, d'être venue. Usher et Pitbull comme musique qu'on va mettre maintenant. Ça t'intéresse ou tu veux qu'on mette autre chose? We're gonna listen to Usher and Pitbull. Is it okay for you? Oh, I love both of them amazingly. Okay. Let's go. Deux, donc. Wait, but you gotta get down. Vamos para abajo. On doit descendre et danser. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, avant de partir, je l'ai oublié. On peut offrir combien d'albums? How much record, how much CD of Inside Out can I offer to our listeners? How many CDs? Yeah. As much as you like. Oh. Oh. Like, okay. What's up? Like, come on, it's France. 2,000? Well, I mean, no. 20? Well, that would be on iTunes. We could do something, you know, we'll talk about it, but I really want to give, yeah, I really like to give gifts to my fans, and when I come back, you know, to do shows and stuff like that. Like, well, tomorrow, I'm going to do Stat Floor, so that's going to be amazing here, you know. Oh, wait. I couldn't say that word. Sorry. C'est pas grave. Sorry, wrong. Bon, yeah, du okay, coup, ça nous écarte de combien d'albums? 50? How many? CDs. As much as you... Okay, can I have to say a number right now? Yeah. OMG. Like, all my fans on Twitter and Facebook are gonna like... Okay. So, how about 200? I don't know. Yeah, oh, but perfect! Mais non, c'est trop! Non, You know what it was? Because I said 200, but he really gonna pocket 150 and get 50 out. You're gonna go get the other one. entendre en fait, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, he's gonna tell him behind the car. Hey, Cataluna CD. Zekero. On eBay, on eBay, on eBay. Oh my God, on eBay. You know him so well. Merci beaucoup, Kate, d'être venue. Tu reviens quand tu veux. T'es chez toi ici, y a pas de problème. Thank you so much. And thank you. Oh my God, thank you guys. I love you guys. Thank you for all the support. And j'aime la France. And you know, let's just get down the video. Remember the video. I might let you guys know so you guys tell the fans and you know, you guys could come and be in the video. Oh yeah, yeah. Okay. We gotta write it. The 8th of November. Ouais. Le 8 novembre, elle nous invite à participer à son clip. Voilà. And a very special location in Paris. Yeah. À Sèvres. We gotta do that. On y va. But they gotta wear tights. Ah, vous devez porter des cravates. Ah, ok. Cool. Okay. Ouais. Parfait. Yeah, the girls. Yes. The girls gotta wear fur. And on va être belle. Oh, bah, ça va être beau, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, bon, allez, merci en tout cas, Kate, d'être venue. So gros bisous. Et puis, on se met Usher et Pitbull maintenant avec DJ Got Us Falling in Love et on revient juste après. Ne bougez pas tout de suite. Voilà le son donc de Usher à l'instant. Oui, désolé, j'étais pas prêt. Thank you, DJ. Oui, bah, je suis en train de chercher la photo là où j'ai mon pull. Parce qu'avec mon pull blanc et Kate de Luna, ça donne bien. Non, mais c'est vrai en plus, t'es bien aussi. Surtout Mika, c'est-à-dire qu'à un moment, il avait les yeux tombants hein, dans son décolleté. Non, arrête. Non mais aussi elle avait quand même ses seins qui nous sautaient dessus quoi. Ouais mais en même temps. Quand elle s'est enlevée la fourrure, elle était en débardeur blanc là. Ouais. En revanche, j'ai failli partir avec sa fourrure. Hein. Tu m'as vu, Mike. Tu imagines, on reste là. Oui, mais t'aurais pu partir avec la fourrure. Ça m'aurait pas dérangé tant que tu laissais Kate avec les seins. Enfin, surtout les seins. Et Mika, tu pouvais la prendre, mais bon, bah, tu pouvais laisser tout le reste dedans. Pierre a quand même essayé de lui oublier. Oui, il était très gentil. Mais Pierre, moi, tu sais que sans problème, hein, Kate de Luna, elle vient, mais qu'avec ses seins. C'est-à-dire que ses seins, en fait, c'est bon. Hein, pour moi, y a pas de mais soucis, elle les a laissés là. Elle m'a dit de les sortir vers 22h50. Ah, bah, je vais dormir avec, tiens, entre les seins de Kate de Luna. C'est fou comme on respecte pas les gens à qui on vient de parler à l'instant. C'est loin. Non, mais c'est ça. Dès qu'ils partent, on est là. Donc, elle avait un petit cul et des gros seins. Oui. C'est terrible. D'ailleurs, petit message qui est arrivé aussi d'ailleurs sur le groupe Facebook. Où est-ce qu'il est celui-là? Je ne sais plus. Oui, comment on fait pour gagner les albums? C'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai dit oui, vous pouvez gagner les albums, mais voilà, j'ai pas été plus loin. Elle voulait quand même enfiler la meuf. Elle voulait donner tout son stock ouais, en fait. 200. Mais oui, mais putain, mais il fallait. Ouais. Il fallait et dire moi, oui. Et moi, j'ai ouvert ma gueule parce que ça m'a fait de la peine, voilà. Et moi aussi. Mais attends, mais de la peine. Tu rigoles ou quoi? Les blindasses. C'est vrai, je sais pas. En tout cas, on va aller faire le clip, nous. Enfin, elle est blindasse et bonasse, hein, si je peux me permettre. Elle est les deux. Et moi, je confirme exactement. Les auditeurs. Oui, elle parle très vite. Hein. C'est pas que j'ai failli décrocher 10 fois, mais qu'est-ce qu'elle va vite. Ouais. Oh là là là là. Enfin, cela dit, je lui ai fait la remarque, hein, mais quelle rapidité. En plus, avec un peu de, avec un petit accent espagnol quand même, et avec l'anglais à côté, c'était c'était chaud. Hein. Elle était sympa. Donc, si vous voulez choper l'album, ouais, elle était cool. Ouais. Donc, si vous voulez choper l'album, bah oui. Non, les je veux dire, tu sympa, me disais, vas-y, Emily, vas-y, traduis. Bah oui, vas-y, bah ouais, écoute, c'est toi qui traduis, hein. bon, bah là, c'est à toi. T'as qu'à faire le travail d'une vraie traductrice-interprète, tu vois, tu notes tout dans ta tête. Mais je ferais tout pour toi, je pourrais parler le libanais. Ouais, c'est ça. C'est vachement beau le libanais. C'est vachement beau ouais, le libanais. C'est très beau, ouais. Bah oui, tu dis j'ai faim, tu dis rien parce que t'as jamais faim au Liban. De toute façon. Enfin, rien à voilà. Voilà, c'est ce que je disais, c'est la vanne ratée. Ouais. Voilà, donc il y a la photo hein, où j'ai mon pull blanc. Finalement, c'est vrai que je suis bien. Je suis en train de regarder la photo là, comme vous pouvez le voir. Mais t'es beau, mon amour. Mais oui, je trouve aussi. Moi-même, je serais capable de coucher avec moi. En revanche, faut arrêter cette pose, hein, parce que tu l'as depuis 92. À un moment donné, va falloir changer cette petite main le long du corps. C'est plus possible. Mais c'est normal. J'ai Cécile à côté, tu veux que je mette où ma main? Moi, j'essaie de te plécho à chaque fois, je me dégage. Par contre, vous avez vu la tête de Pierre? Mais Pierre, il est magnifique. Et je sais pas ce qui t'aima, mais surtout Cécile, je crois qu'il y a un extraterrestre qui passe dans le studio à un moment donné. Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Non, j'ai craqué sur le caméraman de Kate Luna. Il était super mignon, il avait des yeux verts. Elle a quand même, putain, elle a des gros cheveux et une toute petite tête. Et moi, j'ai quand même une grosse tête et de tout petits cheveux. Ouais, par rapport à elle, c'est vrai. Rouge à lèvres orange. Et encore, parce que c'est la fin de la journée, vous remarquerez non, mais j'en ai remis entre-temps. Ce matin, c'était dur. Hein. Ah, t'en as remis? Ah bah dis donc. Mais je crois que par contre, si vous enlevez tout le monde, c'est-à-dire si t'enlèves toi, Mickaël, Cécile, Pierre, Émilie, je crois que la photo est parfaite. Non, Cécile, elle est trop mignonne, elle a fait une petite jambe croisée. Oui. Pierre, il fait une pose de cow-boy. Pierre, on dirait John Wayne. Mais c'est John Wayne, enculé. Comment tu me parles? Je vais te casser la gueule. Par contre, juste un détail. Oui. On a oublié le corps sur la photo. Oh merde, mais le corps c'est même pas sur la photo. Non mais tu sais très bien ce qu'il faisait. Vous non mais moi je le voyais en face, il faisait la photo. J'ai dit non, t'es réalisateur, calme-toi. Je rigole, mon petit corps. Mais attention, il a parlé anglais, hein. Ouais. Il a parlé anglais. De picture. Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, the picture, oui, the picture. What the picture, mean, what bah ouais. Ouais. Alors ça c'est Cécile, attention. Non, elle avait dit, qu'est-ce qu'elle avait dit comme connerie encore? Excuse me. J'ai oublié la phrase. Excuse me. Ah, oui. C'est-à-dire qu'à un moment elle voulait bouger, elle fait excuse me. qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce qu'elle croyait qu'elle s'appelait Mine. Oui. Non, c'était Kat De Luna. Ah ouais. Ah, je croyais que c'était Olivier Mine. C'est ça. Oh, c'est vanne de merde. C'est très très dur cette vanne là, hein. Ouais, là, tu as la prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Tourner 7 fois ta langue dans ta bouche. Je vais la tourner ailleurs, la langue, tu vas voir. Putain, dans mon cul, dans mon cul, s'il te plaît. Ah, mais je te dis direct. Tiens, il y a Tania. De quoi, Corse? J'ai dit ça, c'est dur. Elle a dit qu'elle allait tourner sa langue dans ton cul, c'est crâne. Mais j'ai pas dit dans ton cul, j'ai dit. Mais attends, mais t'as un problème, le corps. T'étais obsédé avec ton cul, toi. Va faire un anulingus à Pierre et après tu reviens. C'est 10 balles, le corse. Mais pourquoi il le fait pas lui-même, le corse? Un petit anulingus à toi-même. Vas-y, répète le mot. Un anulingus. Un petit anulingus. Anulingus, mais tu mets ta langue dans le fion, quoi. Ouais, d'accord. Je pense que c'est dur. Hein. Non, mais attends, il est capable, le corse, d'offrir une bague à sa femme en disant tiens, c'est un anulingus. Il faut bien lui expliquer ce que c'est. Tu l'as vu, le seigneur des anulingus. Elle est bonne. Il y a Tania qui est d'un romantisme, comment dire, enfin c'est romantique quoi. Tania qui envoie un message sur le groupe Facebook: Mickaël, t'es beau, virgule, je flaque. Oh, je vous avais dit qu'au niveau du romantisme on était au top. Mais je vois des fois, je vois sur le mur et je me dis putain, mais quelle violence. Oh là là, vous êtes beau, je mouille. Je me dis mais calmez-vous. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on l'a jamais voilà, dit donc ça. Je vous parlais tout à l'heure. Allez, hop, cassons l'ambiance. Là, on était dans une ambiance un peu trop festive. Parlons de mort. J'ai une histoire en plus. Alors attends, je vais d'abord commencer par la mienne, non. Comme ça on parlera ensuite des accidents cons. Non mais si, je fais ce que je veux. Non, mais t'aime, t'es beau, je te touche. Ouais, moi pas. Bon, non, donc c'est un étudiant américain. Elle va arrêter, s'il vous plaît. Donc c'est un étudiant américain de 20 ans en fait, qui est décédé en... comment dire? Je vais pas dire comment il est décédé, je vais le dire juste après. Donc en fait, il a fait le malin. Il a dit sur Twitter: oui, voilà, c'est bon, si je meurs aujourd'hui, je m'en fous, j'ai vécu assez, blablabla, blablabla. Le mec, c'est idiot. Il va sur une grue en fait, tout simplement pour voir un match de foot parce qu'il avait une meilleure vue. Attends, il va m'enlever la chanson là. Pourquoi il met la chanson de la mort? Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Parce que tu parles de mort. Tu parles de mort. Bah et alors, on n'est pas assez. Bah tu sais quoi, pour une fois t'as mis la bonne chanson, mais garde-la pour lundi. Voilà, ce sera Halloween. Tu gardes ça. Voilà, pour Halloween. Garde-la pour ce moment-là. Voilà, okay, ça sera mieux. Et donc du coup, le mec, il est sur sa grue. Et donc il y avait une tempête de vent. La grue est tombée. Il est tombé. Il est mort. Oh le pauvre. Il est tombé d'où? D'une grue. D'une grue, 100 mètres. Quelle mort. 100 mètres. Je savais pas qu'il y avait un oiseau qui était aussi haut que ça, quoi. C'est drôle parce que la grue, c'est un oiseau. Ah Pierre, tape là. Allez, est top. Voilà. On est cultivé. Vous êtes cultivé, mais pas drôle, hein, par contre. Ouais, c'est ça. Donc le mec est tombé. Vous avez niveau pour aller sur France Inter. France Inter, c'est cool. Non, elle disait que Mika était débile, mais bon, c'est pas vrai. Ouais, non, mais si, elle a un petit peu raison quand même. Donc du coup, les accidents bêtes, si vous en avez déjà eu des accidents bêtes, bah venez nous en parler. 01 55 64 13 24, 01 55 64 13 24. Il y a Marie qui est au standard et qui décroche à vos appels. Il y a également les mails qui fonctionnent, mikl@goomradio.com. Ça marche aussi. Et puis on salue également ceux qui sont connectés sur le groupe Facebook, facebook.com/mikl officiel. Il y a Clémence, il y a Gwendoline, il y a Guillaume, il y a Brian, il y a Tania qui dit: je suis plié, Mike, tu viens de m'humilier, je te maudis. Non mais attends, c'est toi Tania qui dit: Mickaël, t'es beau, je flaque. Moi je fais clear. C'est ouf. Bah c'est ça. C'est drôle. Et Anna qui dit: happy Halloween. Bah happy Halloween à toi aussi Anna, mais en même temps c'est dimanche, on a encore un petit peu de temps à ce niveau là. Tania qui dit: pété de rire, j'ai honte. Oui, bah tu peux Tania. Il n'y a pas de problème. Et Mickaël qui dit: unulingus point interrogation. Non, anulingus. Anus, comme unulingus, anus, comme trou de balle. Comme enculé. Bon, oui, merci Mickaël. Excusez-moi. Oh merde. Merci Mickaël. Oh la violence. Oh mais qu'est-ce qui t'arrive, Mickaël? Bah dis donc. D'habitude c'est Pierre en général qui est aussi aussi violent. Hein. Non, il s'est lâché là. Bizarre. Moi j'ai une histoire aussi. Ça, ouais. J'ai une histoire de mort à la con comme ça là. Vas-y, raconte. Bon, allez, vas-y, et puis on aura Emily derrière. OK, ça marche. Oui, mon amour. C'est pas que c'est un c'est ouais, c'est, pas, c'est, pas, et c'est une histoire véridique hein, pareil hein. C'est arrivé à un de mes potes voilà, ça arrive toujours à mes potes ou à mon entourage hein, c'est très dur. Bref, c'est pas que c'est son papa est médecin. Et il va sur place, parce que c'est médecin à domicile, tu vois, genre voilà, normal, dans une petite campagne là. Et il va genre sur un chantier pour voir un mec qui était pas bien, des ouvriers là. Et c'est pas qu'il passe. Et il se prend une vitre du genre du 30e étage. Et le médecin, coupé en deux, s'il te plaît. Mais non! Coupé en deux par la vitre qui tombe de 30 étages. Comme dans Destination Finale. Ouais, mais alors attends. Sauf que eux, c'est une et du coup, la vie de la famille, elle a complètement chamboulé. Bah, parce que tu te rends compte que du jour au lendemain, tu perds, ton, oui. Pour l'enfant, tu perds juste ton père. Pour la femme, ton mari. Ouais. Et au fin de compte. Pour le frère, ton frère. Mais non, mais c'est. Non, je rigole pas, c'est que c'est fou. C'est horrible. Le mec, quand même, coupe en deux comme dans les films. C'était son heure. Mais tu sais que c'est arrivé à Marseille, ça. Cécile, je sais pas si tu t'es rappelé de l'histoire. J'étais au téléphone avec un copain quand ça s'est passé. Vas-y, raconte. C'était à la gare Saint-Charles, à côté de mon école. Parce que j'étais à l'école là-bas. Donc, c'est la gare de Marseille. Et en fait, ils étaient en plein travaux, parce que maintenant la gare est hyper belle et tout, avant c'était délabré. Mais attends, mais Marseille est toujours en travaux, tout le temps. Attends, écoute, et ils construisaient. C'est une ville en travaux. Et délabré aussi. Non, j'ai dit, attends, écoute la suite, j'ai pas dit ferme-la. C'est moi non, qui ai dit ferme-la. Ferme-la. Calme-toi, le Corse, calme-toi. J'ai dit, en fait, ils mettaient des grandes vitres pour faire un agrandissement à la gare en vitres. Et pendant qu'une grue soulevait une vitre énorme et hyper large, il y a une meuf, parce qu'il y a une fac à côté, il y avait mon école et une fac. Une meuf sortait de la fac, une vingtaine d'années, la grue s'est décrochée de la vitre et la vitre lui est tombée dessus. Elle l'a, par contre, écrasée. Ah ouais, écrasée. Je t'en supplie. Ouais, moi j'ai une histoire comme ça, c'était pas celle-là que je pensais. Ça s'est passé sur le Prado à Marseille. Une femme en voiture, donc avec son mari. Et il y avait un feu rouge, ils se sont arrêtés. Et à ce moment-là, tu sais, les grosses plaques en espèce de craie, mais super épais, que les grues portent. Ouais, bah genre un truc d'isolation, en fait, quoi. Non, c'est une grosse pierre. Les grosses plaques qu'il y a derrière les grues, en fait, c'est ce qui fait que la grue elle tient droit, en fait. C'est une balance. Contrepoids. Voilà, ouais. Et ça, c'est détaché de la grue. Oh merde. C'est tombé donc sur la voiture, mais attention, ce qui est le plus dingue, c'est que le conducteur n'a rien eu. Ouais. C'est tombé sur la passagère. Et elle s'est fait défoncer. Alors imagine le traumatisme du mec qui conduisait. Et du coup, bon, la meuf en fait, la meuf n'est pas morte sur le coup. Elle a réussi à sortir de la voiture parce que je l'ai vécu en direct. Parce que figure-toi que j'étais au téléphone avec un copain à moi et il a vu ça face à lui. Ça s'est vraiment passé en direct. J'étais au téléphone et donc la meuf est sortie, donc complètement fracassée et écrasée, et elle est morte 10 secondes après être sortie de la voiture. Quelle horreur. Oh shit. Mais t'imagines cette violence. C'est l'accident, la con, mais c'est vraiment ça pour le coup. T'es là, tu sais pas, t'es en train de te balader, en fait, t'écoutes la musique, tu te balades bêtement, et puis boum, c'est fini. Et une voiture derrière elle, pardon Mika, il y avait Gaudin, le maire de Marseille, ce qui est fou, donc c'était pas son heure. Mais moi, c'est arrivé à l'époque de chez Époque, on s'en fout. C'est l'horreur, hein. Soir de Noël, mais vraiment, c'est-à-dire qu'un jeune couple, marié je crois, et un gamin de bas âge, et genre 27-28 ans de couple. Le mec bossait le soir de Noël, il finissait genre à 21h, donc il rejoignait sa petite femme et son petit bébé pour Noël à 22h. Ah, horrible, tu mets vachement de sentiments dans ton histoire. Il lui avait acheté un petit cadeau au dernier moment il y avait un labrador dans le coffre. Ouais. Et bref, enfin, il donnait plein d'argent à des enfants pauvres, tout ça. Enfin, le mec était super cool, quoi. Immense, enfin, c'était la bébé. Il avait donné un rein à son père, fallait mourir. C'est ça. Et le mec, en fait, roule en bagnole sur une voie rapide, et là, en face, un mec il décide de se suicider à ce moment-là. Oh merde. Et là, il s'est foutu au dernier moment. En face de lui, boum, choc et mort. Mais c'est celui les deux ou le mec, parce que le pire c'est si le mec qui voulait suicider n'est pas et mort. Le mec qui voilà, et ben non, il n'est pas mort. Quelle donc horreur. Le mec qui voulait se suicider n'est pas mort et le donc mec qui voulait juste tuer quelqu'un, sa femme. Voilà, attends, il a tué quelqu'un. C'est un meurtre en fait. J'ai une autre histoire de mort que j'ai vu dans le journal. Attends, garde là. On va faire ça dans un petit instant. Okay. Il y a Marion qui a envoyé un mail aussi avec les accidents à la con. Il y a Lisiane aussi qui a envoyé un mail avec les accidents à la con, pardon. Et puis nous avons, dans quelques instants, nous allons prendre Marion et Jérémy qui sont au standard. On va juste leur dire bonjour. Salut Marion, salut Jérémy, comment ça va? Salut. Oula, le Corse a encore 5 mains gauches là. Oh là là là là là. Salut. Ouais, il faudrait qu'il soit une pieuvre. Oh là là là là là là. S'il était une pieuvre, il s'en sortirait, ouais, c'est clair. Bon, Marion et Jérémy, vous êtes bien là? Ouais. Oui. Parfait, bon, impeccable. Ne bougez pas de là, Marion et Jérémy. Vous allez raconter votre histoire des accidents à la con dans quelques instants. Le temps d'écouter... qu'est-ce qu'on va s'écouter d'ailleurs dans un instant? Attends, parce que je regarde, du coup, je suis complètement paumé dans la prog. Moi, j'aimerais bien qu'on écoute Rihanna. Only Girl, Rihanna. Ah oui. Ouais, bah je mettrais plutôt Martin Solveig, moi, avec Hello. Ah, bah bien sûr, pour me faire chier. Ouais. C'est ça, là. C'est un peu ça, ouais. Bon, allez, Martin Solveig, maintenant avec Hello. Hop, c'est parti, et on revient juste après. C'est l'émission jusqu'à 23h. Bonjour. Tais-toi, je t'en supplie. Voilà Martin Solveig à l'instant avec Hello sur Gob Radio, et on est là tous les soirs entre 20h et 23h si jamais vous voulez discuter avec nous. Hein, bah vous êtes les bienvenus. Il y a pas de problème, vous faites péter les messages. Oui, bah oui, welcome, merci, merci le Corse de faire cette traduction pour les étrangers qui sont là. Benvenuti. Oh merde. Et ça y est, c'est parti là. Ça, tu vas faire toutes les langues. Mais bah, va bouffer ton figatelli, toi, laisse-le tranquille. Surtout qu'elle t'a envie de faire. Mais toi, dos au cul, fais l'avion, tu sais quoi. Oh, oh. Pourquoi t'as fait ça, le Corse? Et en plus de s'exciter, il fait. En plus excité, il fait des vannes de merde. Oui, c'est ça. Eh, ta mère est tellement grosse que les viennes valides du collège là, c'est l'horreur. C'est dégueulasse. Non mais lui, laisse tomber. Bon, Émilie, avant de prendre comment s'appelle-t-il encore? J'ai oublié. Jérémy et Marion, t'avais une petite histoire. Ouais, j'ai vu ça. Bon alors vas-y, des histoires accident à la con, hein, c'est non, ce dont on parle depuis quelques minutes. Vas-y. Ah, c'est pas ça? Pour le coup, c'est une mort à la con, mais c'est pas un accident quoi. Enfin, ou alors. D'accord. C'était très mal ficelé. C'est un mec en fait qui a été voir le médecin parce qu'il avait très mal au dos depuis quelques semaines, mais vraiment un mal au dos hyper violent et tout. Et le médecin lui dit qu'il avait un taux de leucocytes très élevé, donc qui est un peu synonyme de cancer. Et du coup, le mec a cru qu'il était condamné. En fait, du coup, il est rentré chez lui. Il s'est couché et tout, il a rien dit à sa famille. Et le matin, avant que sa femme se réveille, il l'a tué à coups de marteau parce qu'il pouvait pas supporter l'idée que sa femme. Ah oui, tu m'avais parlé de ça, putain. Mec. Voilà, il pouvait pas supporter l'idée que sa femme refasse sa vie s'il devait mourir. Coup de marteau. Non, mais coup de marteau, c'est pas sympa. Coup de marteau, c'est une violence. C'est pas sympa. Il aurait pu prendre une pelle, merde. C'est ça. Non, mais un coup de marteau, le mec qui s'y va crever, il fait un autre truc, quoi. Soit il achète un flingue et il lui tire une balle dans la tête. Non, mais le type, non, mais à la limite, t'es dans le lit, tu l'étouffes avec un coussin, tu pètes un plomb. Ça va, t'es psychopathe là ou pas là? Tu te dis, je veux pas qu'elle refasse sa vie, je l'aime trop, si je suis condamné à mort, et je sais pas, tu l'étouffes. Mais c'est une dingue. Tu vas pas chercher un marteau pour lui fracasser le crâne, quoi. Ouais, mais si tu l'aimes, ta femme, t'espères qu'elle va pas niquer sa vie parce que toi, t'as niqué la tienne. Enfin, mais il est égoïste, parce qu'il a déclaré à la police, parce que la police est arrivée et tout, et il a avoué, il a dit, je l'ai tué parce que je pensais que j'étais, j'avais un cancer incurable et tout, et je serais devenu. Finalement, il avait une grippe. Mec, t'imagines? Bah merde, finalement on a réétudié votre dossier, vous aviez une petite grippe. Ouais, on s'est planté dans la zone. C'était votre femme qui était. Ils ont échangé le dossier, tu sais, quelle horreur avec c'est un mec. Horrible. Petite erreur. Rien de grave, rassurez-vous. Ah, c'est l'histoire d'un homme mode d'emploi, ça. Ouais. Quand il se trempe de dossier sur le cancer et tout. C'est homme-femme mode d'emploi. C'est quoi, c'est quel film t'as dit? Homme-femme mode d'emploi de Claude Lelouch, pardon. Attends, je vais noter comme ça, parce que je l'ai pas encore vu. Ouais, mais c'est un vieux truc avec Ophélie Winter, Bernard Tapie. Non, mais je sais, mais. Bon, le casting fait pas rêver, mais le film est bien. Bah oui, là, tu me rajoutes texte. Ouais, bah Bernard Tapie, Ophélie Winter, oui, ça fait pas rêver, c'est sûr. C'est avec Fabrice Luchini aussi, et ça te montre à quel point, quand t'as pas quelque chose, tu peux somatiser et te l'inventer, et quand t'as quelque chose, et que tu le sais pas, tu peux vivre ta vie sans le, enfin, profiter. Ah bah oui. C'est très bien fait. Non mais ça c'est évident. Bon bah je vais quand même aller voir, on verra bien. Bon, message donc de Mlle Marion qui était arrivée par mail tout à l'heure. Moi c'est pas vraiment des accidents. En fait, une fois mon père est rentré bourrasque de chez ma tante, il s'est pris la dalle, il est tombé, il a fait un beau gros trou dans son nouveau jean. Sinon je me suis fait une entorse au pouce. Attends, il y a une entorse au pouce droit en faisant du basket. Comment tu peux faire une entorse au pouce? Mais c'est normal, c'est bizarre, avec le ballon de basket. Avec le ballon, ouais. Non, mais d'accord, mais tu vois, c'est en général une entorse, tu fais ça à la cheville ou un truc comme ça, mais là, au pouce, c'est moi, bizarre je quand même. J'ai déjà fait au petit doigt. Ah, au petit doigt aussi? Ouais, c'était en me curant. D'accord. Oh. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, c'est parce qu'il y a tellement de trucs à enlever, que forcément t'as plus de risques. Hein. Ça se trouve, c'est bien, c'est serré, t'en sais rien. Hein. Truc dégueulasse. Ouais. Bon, Marion, qui est avec nous, qui voulait réagir aux accidents à la con. Allô, Marion, bonjour. Enfin, bonsoir. Salut. Ça va? Ça va? Et toi? Bon, écoute, moi je vais plutôt bien, ça va. Hein. J'attends les vacances, c'est-à-dire au mois de décembre. donc ça va, ouais. T'as quel âge au fait, Marion? J'ai 18 ans. Enfin, j'avais d'accord. Déjà appelé en fait une fois. Ah oui, bah c'est possible. Ouais. Très bien. Bon, alors Marion, tu voulais réagir aux accidents à la con, toi? Oui. Comment ça s'est passé? Ça t'est arrivé personnellement? Ça m'est arrivé personnellement. En fait, j'étais chez une copine, j'ai voulu faire un équilibre dans son jardin, sauf que j'ai pas tenu l'équilibre et je suis tombée sur le dos, en fait. Oh, ça putain, c'est mal. Con, ça, en plus. Ah oui, bah là, attends, l'accident sur le dos, ça fait très très mal, hein, tu m'étonnes. Ça pique un peu, ouais. J'ai bien claqué. Ouais. Il t'est arrivé quoi après, alors? Bah après, ça allait mieux, c'est juste que j'avais super mal et tout, au début. Bah oui, tu m'étonnes. Mais après, ça va, enfin, je veux dire, ça a pas duré pendant 7 ans, après, derrière. Non, ça a été. D'accord. Moi, c'est le principal. Qui a déjà eu des accidents à la con dans l'équipe, mais des accidents style, tu sais, sans séquelles, quoi, mais des petits accidents, quoi. Moi, j'ai eu ça, alors, casse-cou, en fait. Hein, moi, je suis un connard pour ça, mais gamin. Casse-couille. Et casse-couille aussi, ouais. Casse-couille aussi, ouais. Mais gamin, je voulais montrer à mes cousins que c'était possible de sauter par-dessus un grillage en vélo. Et c'était pas possible parce qu'il était à 4 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur. Donc grillage, arbre et genou dans le grillage en fait. Et tronçonneuse parce que bûcheron dans Donc, je me suis défoncé la gueule, mais vraiment, véritablement. Mais voilà, mais oui, mais 1000 trucs comme ça. Hein. Moi je suis un connard pour ça. Moi les accidents à la con, j'en ai fait un bête en fait. C'était j'étais au Portugal chez ma grand-mère, comme tout se passait bien quoi. Et puis je roulais à vélo, mais je devais avoir 6 ans. Vous avez vu la photo où j'étais gros? Oui, c'était un tout petit peu avant quand j'étais maigre. Oui, je sais. Donc, comme la photo que je t'ai montrée hier, le Corse, quand j'étais gros. Ne m'agresse pas quand tu parles. Non, mais j'agresse pas, je parle comme ça. Mais si, t'agresses. T'agresses un peu. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu vois? Qu'est-ce que tu dis? T'as un problème? Mais si, t'as un problème. Donc, je recommence. Avant d'être gros, calme-toi, le Corse, écoute bien. Ouais. Voilà, écoute bien. Je vais te répéter, ce sera plus simple. Tu as vu hier, la photo où j'étais gros, quand j'étais petit. Oui. Eh ben, un an avant ça, j'étais pas gros comme ça. Donc j'étais plus maigre, par la force des choses. D'accord. T'as pris 75 kilos. Bah si. J'ai compris, mais j'ai pas pris 75 kilos. Arrête un peu là, tout de suite. J'étais un peu enrobé, mais voilà. Tu es énorme, on dirait une mongolfière. Mais arrête, je suis pas énorme. Enfin, j'étais pas énorme en l'occurrence. Non. Bon, j'étais un peu gros. Bon bref, avant ça, j'étais donc mince et donc je faisais du vélo et donc je descendais dans le jardin de ma grand-mère et donc comme un idiot en fait, c'était en plus je comprends pas parce que c'était la journée. Et donc il y avait quand même la lune malgré tout et en fait, tu sais, il y a un moment t'as le chemin qui va tout droit et puis il tourne légèrement et hop il revient de nouveau tout droit, sauf que quand tu regardes la lune ou la place de regarder la route, il y a un moment tu vois pas le moment où ça tourne et viandes contre un arbre. J'ai fini à l'hôpital. C'est un truc de dingue, bras cassés, tout le bordel. Tu as eu des points de suture et tout? Non, ma beauté. Attends, c'était en 86, j'étais au Portugal si tu veux. Je suis arrivé à l'hôpital, il y avait une panne d'électricité donc ils ont pas pu faire à la radio parce que tout l'hôpital était éteint. C'était quand même exceptionnel. J'ai compris. Et puis ouais, c'est ça, d'accord, ton cerveau ne s'est jamais résorbé en fait. Non mais le Corse, comment ça se passe? Tu sais que ta bouteille, tu vas vraiment pouvoir te la mettre dans le fion, hein, la bouteille qu'Elisabeth t'a envoyée, la bouteille de whisky là. De quoi? Il fait le malin là. Il fait le malin depuis tout à l'heure avec tout ça là. Hein. Mais je note tout ça, le Corse, tu sais. Mais je t'aime bien, Mika. Franchement, je t'aime bien. Ouais, c'est ça. Non mais c'est sincère. Hein. Je ne me prends pas ma bouteille de whisky, s'il te plaît. C'est juste pour la bouteille de whisky, espèce d'enfoiré. Vas-y. C'est sincère. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ouais. Tu es sympa. Ouais. Bon, vas-y, Cécile. Moi aussi une blessure à la conne. Tu sais, j'étais en camp, j'ai fait du une blessure à la conne. Ça me gonfle, vous repreniez à chaque fois que je parle. Bah parce que c'est pas français. Mais oui, mais tu fais des fautes. Blessure, j'ai dit blessure parce que j'ai l'accent du Maroc. Excuse-moi. Mais non, mais c'est à la conne qui est choquant, c'est pas blessure. Une blessure à la conne. À la con. À la con. C'est à la con. Bah oui. C'est pas à la conne. Non, bon, soit, c'est pas grave. Je comprends ton langage, mais bon, une blessure à la con. Et j'ai plus envie de la raconter. Bon, mais commence pas, non, allez, non, vas-y. J'ai plus envie. À toi, le Corse. Non, t'es belle, arrête, t'es une fleur et on a tous envie de te cueillir parce que t'es magnifique. Non, mais j'ai plus envie. Vraiment, en gros, tu as envie de la pécho là pendant le break, c'est ça. Bon, et je me suis tenté. Oh, mais enfin, le Corse, mais qu'est-ce qu'il arrive? Mais je sais pas, il est en train de sortir une poésie. Non, mais attends, Cécile, c'est. Non, mais attends, mais c'est pas parce que tu fais une poésie que t'as tout de suite envie de casser les pattes arrière de la meuf quand même. Bah, exactement, un peu de respect pour les femmes. Enfin, le Corse. S'il te plaît. D'autant plus que Mika lui a déjà cassé les pattes arrière, donc tu vois. Jamais. Non. Ah bon, jamais? Non. On a fait touche pipi. Non, arrêtez. Touche pipi, mais on n'a jamais fait papa dans maman. Non. Et ni touche caca. Oh, papa dans maman, c'est tellement poétique. Touche caca. C'est bien aussi fait, ça. On n'a pas fait touche caca, Bourras. Non. Peut-être. Ouais, c'est possible. Il y a quand même un peu de réflexion. Du coup, je me suis pris une sardine, ce qui permet à la tente de rester au sol quand il y a du vent. Ouais. Si vous connaissez un peu le camping, vous connaissez la sardine. Mais j'imagine que tu l'as prise. Voilà. Donc je l'ai prise dans le genou. Elle s'est tankée dans le genou. Et j'ai eu 17 points de suture. Oh, c'est dur. Et du coup, j'ai une 17 points de suture quand même. Parce que j'ai mis un peu de temps à réfléchir, mais c'est quand même pas mal. J'ai eu 7 points de suture. Ah, 7, d'accord, ok. Ouais, marseillaise quoi. Non, 7 points, je pourrais te montrer mon genou. Non, mais ça a traversé le genou, c'est remonté jusqu'à l'œil. Non, c'est vrai, j'ai eu 7 points. C'est ça, en fait, elle a eu un bleu. J'ai rien senti. 7 points et j'ai vraiment eu mal. Il y a Marie dans un instant qui voulait aussi réagir. Elle a envoyé un mail avec des accidents à la con. Il y a Gwenaëlle aussi qui voulait réagir. Donc on va faire ça dans un petit instant. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a toujours Jérôme. Non, Jérémy. Ah oui, j'étais presque, dommage. Jérémy, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Très bien, alors ne bouge pas de là, Jérém. Tu vas raconter ton histoire dans un instant. Marion, bah tant qu'à faire, reste un petit peu avec nous si tu veux. Hein. Nickel. T'es pas à 5 minutes. Oui, ouais, Marion. Je peux passer une petite dédicace? Attends, Joe Teasing, juste après la pub. D'accord. J'aime bien ce que... Allez, bouge pas. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, allez, on revient dans un petit instant et on va se mettre Rihanna, tiens, parce que je l'ai décidé maintenant. Only Girl in the World. On fait péter ça juste après la pub. Ne bougez pas, on revient. On est là ce soir jusqu'à 23h. À l'instant, Rihanna avec Only Girls in the World. Comme tous les soirs, on est là entre 20h et 23h. Si vous voulez balancer vos messages, bah vous y allez. Hein. Ça se passe au 01 55 64 13 24. Et puis ça marche aussi sur le mail mikl@goomradio.com. Il y a pas mal de monde d'ailleurs qui a laissé des messages. Notamment, c'était Audrey qui avait envoyé un message sur le mail qui dit moi une fois je jouais avec un ballon en plastique dans mon bâtiment et sans faire exprès je l'ai lancé sur le palier en face d'où j'étais, j'ai couru dans les escaliers, je me suis cassé la gueule, j'ai chialé comme une malade, tu m'étonnes, et au final j'ai été à l'hôpital et on m'a dit que ma clavicule droite était cassée, maintenant oh, j'ai toujours une petite douleur, j'avais 10 ans. Ah bah dis donc. D'accord, en 10 ans. Ah moi j'ai eu un accident débile, j'ai oublié. Ah bah oui, non mais c'est clair. T'as eu un accident débile, ouais, aussi toi? Attends deux secondes, j'en avais juste un autre de Mathieu qui est arrivé sur le groupe Facebook qui dit moi mon cousin a eu un accident à la con à cause de moi à la piscine. Il était sous l'eau près du plongeoir. T'imagines le problème d'après? Et j'ai cru qu'il était plus loin, j'ai sauté sur lui, oh, direction les urgences. Oh, ah bah merde. C'est ça. Hein. Bon, il a eu mal au dos pendant longtemps et je me suis senti coupable. Oui, tu m'étonnes, c'est toi le coupable, Mathieu. Mais ça aurait pu être pire, les pompiers ont dit que si j'avais sauté un tout petit peu plus haut, j'aurais pu lui casser la colonne vertébrale. Oh, maintenant merde. En piscine, je nage seul. Mais il a raison, hein. Attends, je nage d'ailleurs, dans préviens-nous l'océan. Quand tu vas ouais. Ouais, dans l'océan et encore tu peux aussi te blesser hein, ou ouais, tu peux blesser clair. Des gens si dans l'océan un ton, genre avec une vague. Ah bah. Alors du coup j'ai deux ça. Histoires débiles parce que ton histoire de bon, plongeon bon allez fais-en déjà ton histoire fais-en de une plongeon déjà, m'a fait penser à un truc. J'étais je devais avoir 10 ans donc ma cousine devait avoir 15 ans donc l'adolescence où t'as envie d'être jolie et tout et on était ouais. On faisait du trampoline parce que on aimait bien ça et tu sais normalement t'en as plein les uns à côté des autres, t'es dans un espèce de box avec plein de trampolines les uns à côté des autres et moi je saute. C'est une sorte d'usine. Non, bah ouais, si tu veux. Je saute sur celui de ma cousine, je fais une rondade et là, mais je lui ai cassé le nez. Parce qu'elle s'attendait pas à ce que j'arrive. C'est pas ton nez plutôt. Elle était ah, oh, c'est drôle, ça et toi t'en pas cassé les dents. Et elle s'attendait pas. Bah ça se verrait en même temps hein. Et je lui ai pété le nez la pauvre. Oh, mais ça c'est pas cool, tu vois. Voilà. Ah ouais mais non mais c'est pas cool mais surtout qu'il a failli arriver un truc à peu près similaire, c'était à mon petit neveu qui est un peu con pour le coup quand même hein. C'est-à-dire qu'il y avait ils ont une espèce de trampoline à la maison aussi, ils avaient invité des copains, des copines, tout ça. Et ils étaient en train de sauter. Et puis ah non, c'est mon neveu qui était en train de sauter et c'est un de mes cousins qui s'est dit tiens, comment ça marche en dessous? En fait, il était en dessous du trampoline, oh, il a failli se faire défoncer la gueule quoi. Oh, mais merde. C'était à deux doigts hein, pour oh, le bah, coup. Il a failli prendre cher. Hein. Bah j'imagine bien très pris cher là. Ouais. Bah en dessous du truc quoi, ah, ouais. Ça dure. Mais tu sais les trampolines, moi j'en ai fait aussi gamin. Pour le coup vraiment, ah, ouais. Mon père il me calait tous les mercredis après-midi dans des trucs à la con. Je faisais échec et trampoline, paye ta vie de merde. Et je mangeais trampoline. Ah, ça, c'est et cool. Une fois j'ai fait des trucs qu'on voit sur les vidéos sur internet, c'est-à-dire que j'ai à côté. Mais ça, ah ça, t'as sauté, t'es tombé sur le côté. Ouais, ouais, ça m'arrive. Et je suis tombé la gueule sur le truc du côté. Donc, faut faire gaffe de pas oh tomber la nuque sur le bord. Là. Bah ouais, oh. C'est ça qui m'est arrivé. Matelassé. Enfin moi c'était pas la nuque, c'était vraiment la tronche. Donc d'où j'ai pris un, tu vois, ça non, a vidé tout mon visage. Cerveau. J'ai quoi de visage quoi? Parfait. Oh putain. Je sais que ça soit une lettre qui me dit ça. Je sais pas. Et attends, il y a Latifa aussi qui a envoyé un message sur le groupe Facebook. Il dit ah oui, j'ai voulu grimper sur un arbre et en voulant redescendre, je suis resté accroché à une branche. La branche casse et bim, le goudron dans la face et le pif cassé. J'avais 10 ans. Eh oui, vous en arrivez plein de trucs quand vous aviez 10 piges, hein. Attends, je réfléchis encore. Il y en a d'autres peut-être éventuellement. Il y a Mickaël qui aime bien le rire de Pierre. Ça y est, on a trouvé celui qui aime bien son rire. Ça y est, c'est fait. Moi j'en ai une autre. T'es peut-être seul, merci. Faut que je quoi, comme quoi c'est fait. Aussi, bon, attends, garde-la, Emilie. C'est à croire elle que t'as eu nulle. Une vie de casseau si t'es arrivé que des doses. Mais non, mais elle est nulle, elle est toute courte. C'est ouais, quoi, mais elle est toujours. Bon, allez, vas-y. Mais j'étais au skatepark à Marseille, qui est un des plus grands skateparks d'Europe. Ouais, le bol. Et je faisais du roller. Ah, tu m'as volé mon histoire. Et je faisais du roller. Ouais, mais moi aussi je faisais du roller. J'étais, je suis allée dans le Grand Ball en fait, moi. Ah on s'en branle, ouais. Là où il y avait des compétitions. Impressionnant et tout, celui-là. Mais parce que j'ai trop voulu faire la belle. Et en fait, je suis restée coincée en bas. Donc en fait, je suis juste descendue pour faire la belle au milieu des trop beaux skaters et tout. Non mais c'est là où c'est dramatique, c'est que en bas, c'est en essayant de remonter que je me suis foulé la cheville. Donc paillote, comment tu t'es foulé la cheville? Parce que j'ai fait du roller et tout, je suis allée au bol, mais en fait, je suis restée coincée en bas, les mecs me faisaient dégage. Attendez. Au même endroit, hein, véridique, avec un pote, on était au bol pareil en mode roller et tout. Et il est en face, je suis en face et on se fait signe s'il j'y vais. Alors qu'en fait, chacun pense que l'autre dit vas-y. Et du coup, on part face à face. Et là, une violence, parce que c'est vrai que le grand bol. Mais les mecs, ils vont hyper vite. Et moi, j'étais en bas au milieu, je faisais arrêter. Et casse-toi, tu te manges. Et on arrive. Bah face attends, mais à ils face, vont là, ils vont là pour se marrer. Ils vont pas là pour attendre que les autres arrivent. Mais oui. Donc non, vous mais... êtes, vous avez sauté tous les deux. Enfin, sauté. Vous avez démarré tous les deux, c'est ça? C'est ça. Et face à face. Hein. Et là, on a fait une taille crise, mon pote, de 200 mètres de haut. Hein. C'est-à-dire que boum, on s'est mangé la gueule. Tu m'étonnes. J'ai pas d'autre. Quelle violence. David aussi en roller à Marseille. Tu sais, il y avait 4 marches et tous les mecs, ils les sautaient en s'accrochant les pieds. Je me suis accroché les pieds, mais j'ai lâché mes pieds trop tard. Du coup, je me suis explosé par terre et j'avais tellement honte de ma chute que et tout le monde s'est mis à rire et j'ai hurlé, je me suis mis en boule. Non et du coup quand j'ai tout le monde s'est mis à rire, je me suis mis à hurler, à pleurer, tous les gens ils ont fait oh mon dieu mais non mais c'est pas une blague, elle s'est fait mal et tout. Alors en fait, j'avais rien mais au moins j'ai c'était juste pour leur foutre la haine. Paniquer. Non, et pour pas me foutre la honte quoi. Mais parce que dès que ça devient grave, aussi, les gens s'inquiètent pour toi et ils se marrent pas. En plus les sports comme ça là, tu sais, t'as vite la te honte vite fait quand tu as tes parents. Une fois moi je faisais des compètes de roller comme ça et une fois une compète je tombe, je me fais tellement mal. Et là j'entends mais un cri de l'autre bout du skatepark où tu sais t'es avec tes potes donc tu fais le fier, style ouais je suis indépendant, je fume des clopes devant mes parents, enfin je suis un rebelle quoi. Et là j'entends juste ma mère qui traverse tout le putain de skatepark en courant en mode mon fils, en gueulant. arrête t'es ridicule, enfin je pleure pas, t'es nul ou quoi, t'es pas c'est ma ça mère. Tout va bien maman, t'inquiète pas, ouais hein. C'est ça. Et donc j'ai déjà fait pire que ça, genre t'as 16 ans et bon. Tu tapes une putain d'affiche devant tes potes, voilà. Enfin bref, j'en ai souffert. C'est ça. Et donc du coup, ta carrière est finie. C'est ça. Et c'est assez dommage. J'avais pas de carrière. Bon, on a Marion et Jérémy toujours. Bon allez, vas-y Marion, tu voulais faire la dédicace là. Vas-y, profite, sinon tu vas rester là jusqu'à 23h. Je voulais faire une dédicace à notre Marion qui va finir son dernier jour aujourd'hui sur gomme. Comment tu l'as appelé? Marion. C'est une des noms. Mayanne. Marion sur gomme. Non, c'est Mayanne. Je croyais Marion. Mayanne. Marion sur gomme. Non mais c'est dans la deuxième dimension. Ici c'est Mayanne sur gomme et chez elle c'est Marion sur gomme. Ouais. T'aurais pu faire gomme. On l'aura dans un instant, Mayanne. Je lui fais des gros bisous. Je lui dis que même si elle parle de gomme, etc., je serai toujours là. De gomme. Il m'a dit, Fredo, tu lui as écorché 5 fois sa marque. Pardon. C'est Mayon sur gomme. C'est qui l'ami? Ouais. Au bagne. Ouais. Non, même pas. Stop. Le corps, coupe-moi directement ce micro. Parfait. Ça va mieux. Bon, allez, Marion, tu vois, j'ai été gentil, je t'ai laissé faire ta dédicace et toi, tu me mets un couteau dans le dos. Ça se fait pas. Marion, tu gères. Chapeau, ça se fait pas. Je sais. Tu es banni. Je vais bannir ton adresse IP. Je vous adore. Ah, merci. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoutez, gomme. Ouais, gomme radio avec Marion. Bon, allez, salut Marion. Excusez-moi, j'écorche le nom. Non, mais t'inquiète, oui, bon, c'est pas grave. Toujours notre pote. C'est pas grave, Marion. Marion, vas-y. Ciao, Mafion. T'inquiète. Mafion. Allez, salut Marion, ciao à toi. Et puis on aura Mayenne aussi tout à l'heure au téléphone avant 23h. Et puis bon, Jérém qui est là également et qui voulait nous donner aussi son histoire, son accident à la con. Salut Jérém, ça va? Ça va Mickaël, et toi? Bah oui, ça va bien, tranquille. Le week-end arrive dans une heure là. Non, je suis pas au Bahamas là. Je suis rentré, j'étais au Bahamas vendredi dernier, je suis rentré, je suis passé à Cuba lundi et je suis arrivé à Paris mardi quoi. Mais je songe à repartir hein. Je crois que demain je me barre. Ouais, tu m'as raison. Ouais, d'accord. Ouais, je suis en train de voir la météo là. Attends, je regarde. Mais là, t'es aux États-Unis. Ouais, ça va. 25-30 vers Miami, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être faire ça. Non, c'est de quoi, Jérém? Non, je sais pas, il y a Cécile ou Émilie qui a dit t'es aux États-Unis. C'est Émilie, j'en ai marre qu'on nous confonde. On a pas Émilie, Jérém. Toutes les deux des belles. J'ai fait une vanne, j'ai dit comme la vanne qui a duré 6 mois là, j'ai dit Mickaël est aux États-Unis, mais c'est une vanne. Non, vous allez voir que ce sera vrai très bientôt. Non mais c'est surtout que c'est pas que vous avez pas une voix qui est différente, c'est juste que mise ensemble, comme vous avez toujours l'habitude de parler les deux en même temps parce que vous voulez jamais lâcher l'affaire, du coup effectivement on vous confond. C'est vrai. Vous avez vu ? Mais c'est comme l'amour. Et Pierre est d'accord avec moi, n'est-ce pas Pierre ? Non mais c'est vrai, elles sont en fait indisciplinées et laides. C'est ça l'enculé. Parce qu'elle veut toujours surenchérir. Et c'est, en fait, c'est, elle tue notre média qui est la radio. Parce que la radio à la base c'est un média agréable où tu te détends. Et non, il y a trop de gens qui parlent. Je comprends que tu défends la radio avec ton physique. Moi, lundi. Attends, j'avais une bonne vanne. Je comprends, Pierre, que tu défends la radio avec ton physique. Ah, oh putain, et t'as interrompu le Corse pour ça. Ouais. Tu voulais dire quoi, le Corse? Non, que j'allais venir pour Émilie et Cécile avec du bégon lundi. Mais pourquoi à chaque fois que tu parles, il fait comme un taureau. Non mais. Il a son type comme Horatio dans Miami là. Tu vas loin là. Les experts Miami, Horatio il met ses lunettes, tu sais, en signe de corset. Et il fait. Et il renifle, tu vois. Le pire, c'est qu'il fait ça quand il croit qu'il a fait une bonne vanne. Ouais. Sauf que c'est un échec. Il ira avec du bégon. C'est ça, je vais venir avec du bégo, tu vas voir. Bon, Jérém. On est des cafards, qu'est-ce que c'est l'histoire? Jérém. Oui, donc je suis toujours là. C'est quoi ton histoire à la con alors? Ben, ça ressemble un peu à celle que tu avais de quand tu étais au Portugal à faire du vélo. Moi, j'ai fait une sacrée descente et le problème, c'est qu'il y avait un angle droit de 90 degrés. Oh! Surtout l'angle droit, là, si tu veux, il est violent, à mon avis. Hein. Ben, le problème, c'est qu'en face, il y avait des constructions, donc un trou de 3 mètres. Oh merde! Et le deuxième souci, c'est que je ne savais pas freiner. Oh merde! Comment ça, tu savais pas freiner? Ben, j'avais que 6 ans. Oh merde! Ouais, mais enfin bon, je m'excuse, mais moi aussi j'ai eu 6 ans un jour et j'arrivais à freiner. Hein. Quand t'as 6 ans, c'est très dur, hein. Surtout qu'il y avait des puits en dessous. Ah oui, non. Il y avait des caillements. J'avais encore les petits trous, vous savez, derrière qu'on a. Ouais, bon, enfin, t'en servis à rien à 4 mètres de haut, hein. 3 mètres. Et comment ouais, on 3 est venu te récupérer dans le trou? Avec une grue. Non, je suis tombé, puis je me suis ouvert toute la jambe, les deux jambes d'ailleurs. On m'a enlevé les deux jambes, enfin depuis je galère un peu. Et heureusement que j'avais l'iPhone 4. Tu rigoles, une histoire comme ça, mon petit frère, un jour, je l'entendais crier mais je le trouvais pas. Et j'ai dit, mais Dan, t'es où? Et c'était à Marseille, hein, c'était là-bas, ou à Marseille, non, à Marseille. Et je tourne à droite, à gauche, je commençais à m'inquiéter parce qu'il hurlait. Et figurez-vous qu'il était tombé dans la piscine mais il n'y avait pas d'eau. En fait, il était tombé, il s'était... Ça lui arrive là. Ça lui rappelle le trou de ton enfance. Oh, je me demande c'était quoi ce bruit là. Attends, mais c'est horrible. Bon, heureusement qu'il a rien eu parce que ça aurait été pu être très grave. Hein. Et du coup, j'ai mis un quart d'heure pour le trouver et j'entendais Cécile, Cécile. Et il était tombé dans le trou. Oh, le petit père. Ma beauté. Non, putain, et l'autre il a gueulé évidemment. Ouais, mais. Mais oui, non, mais il gueulait. Mais pas... je te jure, bon, j'avais une maison de 500 mètres carrés donc c'est vrai que j'ai mis du temps à le trouver. Et à Marseille. Oui, à Marseille. Dans le centre-ville. Oui, oui. Dans le centre-ville. Face à la mer. C'est ça, ouais. Oui. Cécile, ouais, Jérém. Excuse-moi d'avoir rigolé, c'est parce que ça m'est arrivé la même chose de te sauter dans une piscine qui était vide. Oh merde. Alors, et ouais. Surtout quand tu sautes dans un trou, enfin quand t'as pas le choix, tu dois sauter dans un trou, tu sais que tu vas te faire mal, donc tu te prépares psychologiquement, t'essayes de sauter d'une manière bien précise. Mais quand tu sautes, en l'occurrence dans une piscine, tu sais que tu vas tomber dans l'eau, donc y a pas de problème. Mais qu'en fait y a pas d'eau. Tu te fais mais un truc de dingue. Parce que tu sautes lourdement. Tu sautes avec tout ton poids. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que là, quand tu sais qu'il y a un trou, bah tu fais la petite plume. Et alors là, c'est vrai que quand t'as pas de liquide, c'est la très petite dur. Plume. Non, mais tu vois, la pesanteur, quoi. Genre. En fait, je voulais faire le beau et j'ai pas vu qu'il y avait qu'il y avait pas d'eau justement. J'ai voulu faire une bombe et le problème. Ah, j'ai fait les bombes. Ouais, mais quand il y a pas d'eau, c'est très dur. Aussi, que au niveau du cucu. Bah, ça fait une bombe, mais ça marche qu'une fois en général. Ouais, ça doit tu pas te être fracasse, faible. Là, bah, en mode fakir, mais sur de la mosaïque. Hein. C'est-à-dire que là, c'est ça. Tu douilles un peu. Hein. Tu chies un peu ça, c'est un peu ça. Moi, j'ai fait un truc à la piscine. J'ai mon père, il m'apprenait à plonger et en fait, je plongeais trop loin du bord. Et résultat, je me suis pété le menton en tombant sur la dalle. Ah, c'est ça. Et j'ai une cicatrice sous le menton. Ouais. Et ils ont dû vider la piscine, la re-remplir. Ça a été pleine de sang. Mais comment t'as fait pour l'avoir au bout de la tub aussi? Qu'est-ce que t'as fait avec ta tub? T'as une cicatrice au bout? Personne m'a suivi sur son urètre. Non, là pour le coup, non, j'ai essayé de réfléchir, mais c'était dur. J'ai fait des études de médecine. Parce qu'on s'est tous demandé comment tu avais vu sa bite. Parce que nous on l'a pas vu la kick-up de Mika. Parce que moi j'ai vu juste la sextape de Mika, donc. Okay. Ouais, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la sextape. Oui, j'avais oublié la sextape. Ouais. La sextape. L'horreur de la sextape. J'y pense tout le week-end. Et je me masturbe. Ah bah attends, genre ça fait. Ah voilà. Je me disais aussi, ouais. Bon, Jérém, merci à toi d'être passé. Bah écoute, de rien, et puis je voulais te poser une question à Cécile, enfin sur toi. Bah vas-y. Et... Je voulais te poser une question J'ai à Cécile. Ouais, c'est ça, gentil, ouais. Gentil, Jérém. C'était juste pour savoir, par contre, au niveau de la chanson que vous chantez tout le temps, on peut la trouver où en téléchargement? Alors écoute, dans ton cul, on peut la trouver, ta chanson pourrie là. Tu sais quoi, Jérémy, c'est Émilie, même si t'as pas voulu me parler, je vais te répondre. Non, c'est Benjamin. Mais tu es pas marseillaise, Émilie? Non, non, je suis d'Ukraine, mais j'ai voulu des papiers. Non, en fait, elle vient un peu d'Afrique. Hein. Non, si, je suis marseillaise. Ah d'accord, excuse-moi. Je t'en prie, je suis vexée, mais je t'en prie. Tu sais ce que je vais faire? Je vais la mettre sur SoundCloud pour pouvoir la mettre sur le Facebook Aubagne. Et la télé, oh, vous avez que ça à foutre. Tu parles d'Aubagne? Ouais, tout à fait. Et ben voilà, je vais la mettre sur la fanpage, le Aubagne des filles de Mickaël. Wow. Dans une semaine, bon, c'est inexclu, on vous le dit ce soir, mais il y aura Vitrolles. Vitrolles, ouais. Vitrolles. Voilà, donc je suis génial. Assez content d'en parler avec vous ce soir. Donc normalement, c'est on va grâce à ça. On se fait toute la province. Grâce en fait, à ça, on va passer un super week-end. Et rien à voir. Vitrolles, j'allais l'appeler. Jérémy. Oui. Voilà, je vais essayer de la mettre mardi ou mercredi. D'accord, écoute, pas de soucis. Et si tu veux la faire tourner, il n'y a aucun problème. Hein. Oh, mais ouais, ça va être génial. Moi, je vais la faire tourner, mais dans les chiottes, tu vas voir. Mickaël, on te parle pas. T'es toi, le belge. Moi, je vous parle, je rêve. C'est incroyable, ça, quand même. Bon, Jérém, toi aussi, tu m'as planté un couteau dans le dos, je retiens. Je m'en souviendrai. Ah non, pas du tout. Avec votre chanson pourrie, là. J'allais te poser une question qui allait peut-être te mettre en valeur. J'ai vu sur internet que tu qu'avant, t'étais gros. Non, Que quoi? J'ai pas encore dit, justement, on m'a coupé. Ah, d'accord. Vas-y. Pardon, je t'aime. Moi aussi. c'est pour ça. Donc, c'est que tu serais le fils caché de Fredo, en fait. Non. T'as vu ça? Pourquoi tu dis que c'est quelque chose qui va me mettre en valeur? T'as vu sa coupe de cheveux? Mais je peux pas être son fils, quand même. Tu l'as eu en 2006. Hein. Il y a un peu de vrai, sauf que c'est la fille cachée de Fredo. Ah, dis donc, c'est drôle, ça. Dis donc, t'as bouffé un clown ou quoi, ce matin? Non. Elle l'a sucé avant. Oh là là. Ah ouais. Putain, c'est chaud, mais je suis chaud, c'est vendredi. Au sexe. Attends, j'en essaye une autre. C'est vrai, sauf que c'est Fredo qui a accouché. Ah, tu vois, ça s'est tombé à l'eau, Jérémy, ça t'a fait rire. Petit coquinou. Ouais, bon, on speed alors. Bon, Jérém, non, je ne suis pas le fils caché de Fredo. On est tous les deux chiants. Il faut le dire, hein, parce que c'est vrai que lui me dit que je suis chiant, moi je dis que je suis chiant, mais je pense qu'à un moment il faut qu'on se mette d'accord tous les deux. On est tous les deux aussi relous l'un que l'autre. Petit message, je dis pas le contraire. Personnel. Mais y a pas non, mais oui, mais bien sûr. C'est un casse-couille, je sais que je suis un casse-couille aussi, donc y a pas de problème, on s'entend bien, c'est pour ça. Toi t'es beau. Ouais, bah dis donc, ça va lui faire plaisir, ça, tiens. Je t'aime, Fredo. Alors qu'il entretient sa coupe de cheveux les années 80, depuis les années 80 justement, et tu lui dis que je suis plus beau que lui, ça va lui faire plaisir. Bah en même temps, t'as pas le même salaire, le problème. Oh. Ah oui, non, bah ça je te confirme, hein. Ça je te confirme. Bon, Jérém, en tout cas, merci à toi d'avoir appelé, et puis passe un bon week-end, tu reviens quand tu veux, Jérém. Merci à toi aussi. Et puis c'est le garde patience, Mickaël, il finira par succomber un jour. Hein. Bah, non, mais même pas en rêve. Gars, ouais, tu sais quoi? Tout ce qui va arriver, c'est que je vais succomber, mais d'une mort, quoi. Et ouais, je vais crever. C'est tout ce qui va arriver un jour ou l'autre. Mais c'est tout. Hein. Vaut mieux aller se pendre que de sortir avec Cécile ou Émilie. Tu veux pas aller te faire une patrouille, toi, dans ton maquis là. À chaque fois qu'on fait une buzz club, il me dit non, mais tu me plais. Hein, toi, t'es bien. Pareil, moi. Je t'aime, je te kiffe trop. Non, t'es trop belle. Parce que je rigole. Mais parce que le corps, le corps, c'est-à-dire que même quand il écrit, en fait, il a l'accent. Hein, oui. D'après Cécile. Hein. Ouais, c'est ça. Même quand il écrit sur Facebook, il a l'accent. Bon, allez, salut Jérém. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao Jérém. Allez, ciao. Ah ouais, il y avait une info là qui passait tout à l'heure à la télé. J'ai oublié de vous en parler. Bah déjà, je vous en avais parlé un tout petit peu au début de l'émission, mais c'est encore un autre avion maintenant. Il y a eu une alerte terroriste aux États-Unis avec un avion qui venait du Yémen, je crois. Vous avez dit à 20h. Oui. Et ben il y en a un deuxième maintenant qui venait aussi du Yémen. Il est passé par le Canada et en fait là apparemment il y avait un truc chelou à bord et donc ils ont envoyé, dès qu'il est arrivé au-dessus des États-Unis, ils ont envoyé des chasseurs en fait qui l'ont escorté jusqu'à New York. Il a atterri là-bas. Et c'était bien Magali Maé dedans. Non mais imagine. Non, c'est un appareil de la compagnie Emirates. Tu sais, en général, c'est une compagnie plutôt classe quand même. Et c'était quoi le problème là? Eh ben apparemment il y avait aussi une alerte à la bombe dedans ou je sais pas très bien quoi. Oh, ils ont pas encore inspecté tout l'avion. Mais il y a FedEx d'ailleurs qui a suspendu toutes les livraisons depuis le Yémen. Bah, on verra, hein. Non, mais imagine, t'es dans l'avion à ce moment-là. Chaud. Juste, tu vois des F-16 sur ta droite qui sont comme mais ça. Mais putain, moi, je kifferais ma race, là. Mais là, ça serait bon. Et moi, j'aimerais, ouais, trop. J'avais pas fin d'histoire. Non, mais surtout qu'il serait capable, tu sais, pour la sécurité nationale, d'abattre l'avion en vol. Ah, bah, bien sûr. Tu vois, donc là, mais surtout que, par les F-16. Ouais, c'est ça. Non, mais les F-15, c'était les F-15. Ah, je pense en détail, mais enfin bon. Ouais. Mais surtout que les avions, ils allaient vers New York. Donc tu penses bien qu'ils allaient pas hésiter, hein, pas deux fois. Hein. Imagine le pilote qui veut se buter, qui fait mais merde, y a plus de tour, hein, on m'avait dit que je me jetais. Bah, je suis tout seul là aussi. Il est arrivé un peu tôt parce qu'ils sont en train de faire l'autre, hein, donc elle sera faite d'ici un an et demi à peu près. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'il revienne un peu plus tard pour ça. Bah voilà. Bon, on va se mettre un peu de son là. Yep. Est-ce que le corps c'est prêt? C'est ça le la question. Le corps c'est prêt. Yes. On le corps c'est prêt. Yana. Allez, c'est parti. Non, on l'a déjà mise, celle-là, je t'en supplie. Merde, le corps, on l'a déjà mise. Mais sans souci. Linkin Park maintenant. Et tu sais quoi, c'est un titre qui va très très bien avec l'émission d'aujourd'hui et avec le moment où le Corse n'aura plus de stage. Waiting for the end. Qui veut dire quoi, le Corse? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Waiting for the end. Le titre. Pas du tout. En attendant la fin. Eh ben, réfléchis. Réfléchis puis on en parle après. Allez, on se fait Linkin Park maintenant avec Waiting for the End sur Goom Radio. On est là tous les soirs jusqu'à 23h. On parle encore des accidents cons dans un instant avec tous ceux qui sont connectés, hein, sur le groupe Facebook ce soir, facebook.com/emikelofficiel. Il y a Jay qui est dessus, il y a Marion, il y a Hugo, il y a Anna, Angélique, Laura, Mohamed, Guillaume, Belly et tous les autres, hein. Donc si vous voulez rejoindre tout le monde, vous venez, il n'y a pas de souci. Dans un instant on aura Maya, on aura aussi Elisabeth, qu'on doit remercier d'ailleurs, hein, pour les colis qu'elle nous a envoyés. Et on fait péter, donc comme je le disais, Linkin Park maintenant, Waiting for the End sur Goom Radio. Voilà Linkin Park à l'instant jusqu'au bout avec Waiting for the End sur Goom Radio. On est là tous les soirs entre 20h et 23h avec vos messages qui arrivent. Il y en a beaucoup sur les accidents à la con. À croire que vous n'avez pas de bol, hein. Parce qu'il y en a plein qui arrivent, hein, au niveau des messages. À croire que vous êtes con, quoi. Oui, bon, oui, ça m'arrive, bon, aussi, hein, donc à la limite. Ne prends pas ton cas pour une généralité, Pierre, hein, non plus, quand même, hein. C'est vrai que je suis un gros con. Pas abusé non plus, hein. Oh. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il y a des messages qui sont arrivés, donc comme je disais, il y a Lisiane qui dit, alors moi j'ai... Attends, c'est quoi ? Moi j'ai un accident con, quand j'avais 4 ans, j'ai voulu traverser la route toute seule, je me suis fait renverser par un vélo, c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde de foot en 98, à la mi-temps bien sûr. Ah oui, dommage, donc t'as pas vu la fin. Ah non, ça, effectivement. Elle a vu qu'un but. Ouais. Voilà, elle a pas c'est vu ça, les deux peut-être, autres de Zidane, ouais, de la tête. Eh ouais, elle a pas vu le carton rouge et tout, c'est dommage. Y a quoi aussi, Audrey qui dit, j'ai eu un troisième accident cet été, j'étais dans la piscine d'un pote. Eh, troisième accident, il y a un moment où faut rater les vacances, hein. Oui. Et j'ai grimpé sur le toboggan pour plonger dans la piscine, mais au lieu de tomber dans la piscine, je me suis cassé la gueule par terre. Maintenant, j'ai un hématome sur la fesse droite. Ça fait super mal. Ah oui, toi, t'es vraiment pire Richard, en fait, des vacances, hein. Quand même très très dur, pour le coup, hein. Autant ah ouais, c'est ça, le pire Richard des vacances, dis donc. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Nous allons prendre maintenant Gwenaëlle qui est avec nous. Salut Gwen. Allô. Gui. Oui. Gui. Oui. Gui. Elle est sous l'eau, elle ça est va. Sous l'eau. Ouais, c'est ça, elle va se... Oh merde. Quoi? J'ai pas joué à l'Euromillion. Oh moi non, putain, c'est vrai que j'avais gagné. Cécile et moi, on a joué, nous, sérieux. Et là, on va devenir riche. Oh, tu allais devenir millionnaire, tu as oublié de jouer à l'Euromillion, mais qui nul. Mais ouais. Michael, tu sais quoi? Si je gagne ou que Cécile gagne, on donne au Corse, à Pierre, à Mika, et toi, eh ben rien du tout. Eh ben, tu sais quoi? Tant mieux, j'ai pas envie de t'être redevable. Mais je pourrais après, payer va me dire, pour ouais, mais je t'ai donné de l'oseille, tu pourrais coucher avec moi. Et imagine, il faut. Que... Oh là là, mais calme-toi, ça va, t'es pas non plus du lot, quoi. Imagine, il faut que tu baises avec Émilie, mais elle te donne 1 million. Tu le fais ou pas? Il a dit oui, là. Ah, pour 1 million, oui. 1 million, ouais. Ah oui, oui, non, mais oui, mais même pour 500 000, hein. Et pour 10 euros? Non. Bon, non, je suis pas ramasse comme ça, non plus. Et pour 20 euros? Mais c'est pareil. Non, bah non, arrêtez, vous allez pas faire, c'est pas juste prix, hein. 17, chauffe. C'est bientôt, je vais arriver, je vais aller avec la gaffe, là, pour le juste prix. Combien pour me baiser avec Emily? Je sais pas. C'est 4 avec leur pupitre, mais là. Ça peut être drôle, ça veut dire. Les tranches de fion que vous avez, mais même pas pour 500 000, moi, je vous baise. T'as vu, je dis rien. Oh, moi. L'autre. T'as vu comment, gratos, comment elle est. C'est quand même une meuf qui sent l'anus qui nous dit ça, quoi. C'est ça qui est dur. Le nombre de gens qui aimeraient bien baiser Emily est gratuitement, je vous le dis. Putain, mais probablement. Ouais. 4. Il y a 4. Ah ouais. Eh bah tant mieux, hein. Ouais. Bon, Gwenaëlle. C'est grave d'être comme ça. Oui. La triple, qui a trouvé une personne sur Terre qui voulait bien de lui, quoi. Tu parles de qui? De Pierre. De Pierre. Oh là là. Ah bon, d'accord, ok. T'es dur. Laisse-moi tranquille et sans le paix, c'est pas grave. Attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est lui qui dit t'es dur alors qu'il a dit tout à l'heure un truc dégueulasse là. Bah, sans le paix, il lui a dit t'es dur. Je peux mourir sous cette balle à tout moment. En même temps, il a trouvé une fille super bien, donc il a eu beaucoup c'est de chance vrai, en mais ouais. On se questionne tous les jours, mais c'est vrai. Elle est parmi. Bah, peut-être qu'il la paye, hein. Ouais, voilà. Qui sait, on sait pas. Mais tu peux alors, il a peut-être enlevé son frère et du coup, il la garde. Non, je suis sûr qu'il a dû kidnapper sa famille en disant voilà, je relâche ta famille si tu sors avec moi. Ah, la technique du Corse, bah ouais. Qui ressort. Je suis sûr qu'en fait, sa famille elle est dans sa cave et que... C'est ça, peut-être. T'es torturé pour que tu restes et tout, c'est pas mal. Et pendant ce bon, temps, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc Gwenaëlle. Oui. Bon, parfait. Alors, Gwenaëlle, qu'est-ce qui t'est arrivé comme, comme accident con? Moi, j'ai eu plusieurs choses, en fait. Alors, dis-nous. On était on allait en vélo. Et on était dans une descente. Et. Tenez pas honte. Je n'avais pas trop de chance à tirer mon vélo. Et arrivé à un virage, je me prends les barbelés. Et ouais. Ah, les barbelés, ça c'est le plus dur. Ouais. Ça te perce de partout en plus, là, c'est horrible. Mais ça va encore. J'ai pas eu trop, juste la lèvre déchirée et trois points de suture. Donc vous faisiez déjà pas mal quand même, hein. Il y aurait, j'ai fait juste une petite cicatrice juste à côté de l'œil, ils auraient pu me crever, mais ça va. D'accord. Mais c'était avant ou après que t'avales ton téléphone? Parce qu'on entend trop mal. Ouais, c'est compliqué hein, de te comprendre, hein, Gwen. Hein. Parle un peu moins près du téléphone, peut-être. Ok. Ça va? Ouais, sinon, c'est ça devrait aller. C'est addiction. J'ai l'impression de parler à Kate de Luna, mais par téléphone. Mais en moins vite. C'est ça. En moins rapide. Bon, et donc après t'être pris les barbelés, là, il s'est passé quoi? Je suis allé aux urgences et j'ai attendu. Bon, ça va, ils t'ont réparé quoi? Ouais, voilà. Bon, c'est le principal, c'est le principal. Et depuis, pas eu d'autres accidents? Non, c'est juste mon voisin. Mon voisin, d'accord. Il avait un nid d'abeilles dans son tuyau, il a foutu de l'essence. Et en fait, il a foutu feu et ça a pété et il est brouillé de partout. C'est horrible. Ah merde. Pauvre, ah non, mais ça c'est dur par contre hein, parce que les brûlures, s'il y a bien un truc qui est violent, c'est ça, c'est-à-dire que moi je me brûle un demi millimètre carré là, il faut m'emmener à l'hôpital, je supporte pas ça. Mais t'imagines être brûlé comme ça, c'est violent. Gwen? Elle a raccroché. Ah, et ben voilà. Parti, c'est dommage. Oui, je me disais bien qu'on l'avait plus. Bon ben c'est pas grave Gwen. Écoute, merci d'être passé et puis passe un bon week-end Gwen. Il y a un message aussi qui est arrivé de Lina sur le mail, michael@goumradio.com, qui dit: j'ai le frère de ma copine qui voulait couper une viande congelée avec un grand couteau et bam, il s'est coupé le doigt avec le tendon et tout, écœuré. Il a fait un grec de Top Chef. Ah putain. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais ce qu'il y a eu de mais c'est super triste, la sœur de Mika, le chanteur, elle était à une soirée genre au quatrième ou cinquième étage d'un immeuble parisien, je crois que ça s'est passé à Paris ou à Londres peut-être, ouais. Pardon. Et en fait, je pense qu'elle était un petit peu bourrée parce qu'on sait pas réellement ce qui s'est passé, à part si c'est un con qui l'a poussé. Et en fait, elle est tombée donc de l'immeuble et elle s'est empalée sur les grilles qui étaient elle est morte. Non, elle est pas morte. Ça lui a crevé, je crois, la rate. L'œsophage. Ah, oh, bah oui, mais enfin. Et ça lui a fracassé une jambe. Ouais, elle va mieux, mais elle a échappé belle. Hein. Il y a eu un pic. Comme le fils de Romy Schneider à l'époque. Il y a un pic qui lui est rentré dans la chatte ou pas? Ouais, non, mais c'est pas possible, Corse, horrible, qu'est-ce qui t'arrive? Sors, Corse, franchement, sors. Je suis pas bien là. Mais parce que c'est une histoire vraie. Je regardais ça sur le web. Non, mais tu penses à ça, toi? Mais je pense pas à ça. Je regardais mais ça. Mais il ne pense qu'à ça. Non, Michael, je regardais ça sur le web, sur Mais comment ça se fait que tu tombes sur une vidéo comme ça et nous on tombe jamais sur des vidéos comme ça et toi tu tombes dessus? Je te donnerai le site, c'est News. Non, Actu, ça ira. Le News Actu, Insolite Actu, pardon. Et je vais cette page, j'étais à l'école aujourd'hui et je devais travailler sur ça. Et à un moment donné, et c'est long cette histoire de nouveau. Bon. Elle est trop longue ton histoire. En fait, la femme est tombée dans l'immeuble et je croyais que c'était la même histoire que racontait Cécile. Et elle s'est retrouvée avec les pics de l'immeuble qui était en construction dans la chatte. Voilà. Et ça n'arrive qu'au Corse. Mais c'est exceptionnel le Corse. Je te donnerai le site. Mais je préfère pas savoir. Comment elle va aujourd'hui? Elle est morte. Mais c'est retrouvé en palier. Enfin, c'est pas drôle. Je rigole pas qu'elle est morte. Hein. Je rigole juste de la story du Corse. De la mise en forme. Ouais, exactement. C'est ça. La mise en forme. Il est bizarre le Corse quand même. Moi aussi, ça m'a choqué cette histoire. Oui, ça a pas l'air. Hein. Il a reniflé. Non, j'ai pas reniflé. Oui. T'as reniflé. Il m'a dit qu'il est fier. Il faut qu'il renifle. C'est bizarre. Ça, il était content de son histoire. Bon, allez. Il fait l'amour à une fille. Ah ouais. Oh là là, c'est un bon non, non. Hey, j'imagine mieux. Alors, tu as aimé. Avec un slip kangourou, je peux mourir de rire. Non, léopard. Oh bah oui, forcément. C'est pas mal aussi ça. Tu m'as pris pour Kimi quand même. Un petit boxeur comme son pull d'hier, rose. Mais vous allez craquer. Non, un brésilien, un string bélé. Jamais d'avis. Et tu fais des câlins après. C'est pas grave. Non. Je fais des câlins après. Des vieux caleçons de grand-père. Je suis sûr qu'après l'amour, il pleure le Corse. Dans les bras de la avec son slip léopard. En mode sentiment. Oh ben, putain de merde. Tu sais que je t'aime. Non, mais c'est avec son pull rose. Pierre, tu as qu'à demander à ta meuf, tu verras. Elle oh On a dit pas les proches. Et pas les parents. On a dit pas les parents. Mais pas bon, les copines aussi. On peut dire les copines, hein, du coup, hein, c'est la famille, hein, tu vois. Ah non, on a dit pas la famille. Eh ben, c'est pareil. Attends, si ta copine, c'est ta famille, attention pour vos enfants, hein, parce que ça va être très compliqué. Oh là là. Non, mais si c'est ta femme, c'est Nono le robot qui va sortir. C'est partie de ta famille, c'est une nouvelle famille, tu vois. Incestueux, Pierre. Ouais. C'est une communauté, tu vois. C'est genre. Oui, c'est une communauté, welcome ouais. in my clan. Bienvenue dans mon clan. Welcome in my clan. En plus, il parle tellement bien anglais, là. Bah ouais, j'essaye. On est au top du top, là. On va demander d'ailleurs aussi dorénavant à Emily de traduire, hein, quand Pierre essaiera de parler anglais. Ouais, ça devrait bien se passer. Bienvenue dans mon clan. Et qu'elle commence juste voilà, par nous merci, sucer Emily. Parce qu'elle l'ouvre trop là. Oh Pierre, c'est dingue ça quand même. Je vais te prendre tes grosses gencives, je vais les manger demain soir en repas. Tu peux pas me lécher mes dessus dedans là. Non, Pierre, j'y vais, les gens. En plus, j'ai un peu de tarte ce soir. Oh bon allez ça suffit, c'est bon. Bon, on aura dans un petit instant Mayan qui sera avec nous par téléphone justement. On aura également Elisabeth hein, qui on doit parler pour les colis qu'elle nous a envoyés en fait cet après-midi. Enfin, elle les a envoyés dans la semaine, mais on les a reçus cet après-midi. Et puis on se met Swedish House Mafia maintenant, vite fait avec One, comme ça après on est tranquille. Il y aura le Corsica Show aussi tout à l'heure. Ce sera un petit peu avant 23h. Si vous voulez participer à ce Corsica Show de la fin de la semaine, et ben vous envoyez votre message bien sûr sur mikl@goomradio.com. Allez le Corse, Swedish House Mafia maintenant, c'est One sur Goom. Swedish House Mafia à l'instant avec Pharrell, c'était One et c'est le drame, il a fallu que ça arrive, c'est normal, pendant, ouais. pendant le disque boum, le coca qui tombe sur le Mac du de Mika, à savoir que son ordinateur a 10 jours, et il a eu de la chance déjà de se faire rembourser par la garantie là. Et au final. Oui, alors attendez, parce que je t'interromps Pierre, mais il faut encore que j'explique. C'est-à-dire que Mika a déjà flingué son ancien ordinateur, son ancien Mac, avec de l'eau dedans, ou je sais pas ce qu'il y avait eu dedans. Il a été le remballer en garantie. Ils l'ont accepté, ce qui en général n'arrive jamais quand ils voient qu'il y a de l'eau qui est tombée dedans. Belle de cocu, ils lui ont filé un neuf, mais tout neuf, un nouveau modèle, tout le bordel, nickel de chez nickel. Et 10 jours après, il remet de l'eau dedans, enfin du coca. J'ai du calcul, là ça me saoule. Je veux changer de vie, de toute façon, ça me gare. Je vais partir très dur. Moi je voulais avoir la vie de George Clooney, j'ai celle de Mika Roca, c'est de la merde. Bah non, c'est bien. Bah y'a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir ta vie, Mika. Je suis désolé, Pierre, hein. T'as une belle exemple. Gueule, t'arrives à faire Pierre, des sextapes. Tous les week-ends. Ça va, quoi. Oh, lâche-moi avec ma sextape, sinon je vais être obligé d'envoyer une photo sur Bah, maintenant il l'a même plus, la sextape, elle était sur le Mac. Ouais, mais ils m'ont dégoûté, oh, là. Ils m'ont montré cette photo, là. Mais là, j'ai dormir, quoi. Moi, j'ai vu la vidéo je en action, dessus. J'ai mis play. Depuis, je rigole comme ça. Ouais, bah, c'est pas terrible, hein. Ouais. C'est pas terrible. Ça te dégoûte, ça te dégoûte. Bon, on a. C'est ce que tu fais de Mika. Mais ça la dégoûte. Mika, rassure-moi. Être à la place de la meuf. Non, mais j'y étais, le Corse, donc Tu as été déjà. Ah, je t'ai séché là, ouh, y a plus de répartie là. D'autres questions, le Corse? Bah non. Bon, je peux y aller là parce que vous êtes en train de faire vos conversations entre le Corse qui s'accapare l'antenne là, on est bientôt il va la prendre en otage. Il va demander à Fredo une rançon. Ouais, de suite, je m'accapare l'antenne parce que j'ai dit une phrase. Sérieux. Oh ouais, mais une plus une. Oh là là, le Corse, qu'est-ce qu'on rigole quand même, merde. Bon, nous avons donc Mayan qui est avec nous. Comment ça va, Mayan? Ça va. Ma beauté. Mayan, gros bisous. Allô. Gros bisous. Bah ça va. Donc oui. Bon bah écoute, Mayan, bah casse-toi puisque visiblement déjà c'est simple de dire au revoir. Hein, donc. À bientôt. Ça fait plaisir. Allez, salut. Bon Mayan alors. Bon, par toi. Oui, comment ça, tu commences par moi, de quoi? Bah j'allais commencer par toi parce que c'est toi que je suis en premier depuis 3 ans, mon petit père, je te signale. Oui, c'est vrai. Oh, c'est mignon. C'est vrai. Et déjà, tu vas arrêter de m'appeler mon petit père immédiatement parce que je pourrais casser la gueule à des gens pour moins de ça. Hein, donc tu vas arrêter avec ça directement. Hein, c'est pas la peine de prendre ton petit air hautain comme ça là. Hein. Je suis plus vieille que toi. Bon. Oui, bah il y a alors raison de plus. Ouais. Quel âge t'as? Oh là là, mal à l'aise. Bah j'aurai 30 en décembre. 30. Oui, bon, bah voilà, je suis pas très très loin derrière. Il y a pas beaucoup, ouais, voilà. Ouais, voilà, je suis pas très très loin derrière. Bon, Mayenne, bon, comment ça se passe alors? Du coup, il y a plein de monde qui gueule là sur le Facebook, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'en aller, c'est quoi le truc? Eh ben ouais, écoute, là je rends mes droits à l'administratrice d'un peu partout ce soir. Bien que alors on m'a dit n'enlève pas tes parenthèses parce que ça va manquer. Donc je vous rassure, la personne à qui j'ai demandé d'enlever mes parenthèses a refusé. D'accord. Parce que il m'a dit ben voilà, tes droits t'appartiennent et voilà, t'es bienvenue à la maison, t'es la bienvenue chez Goom, mais je refuse de t'enlever tes droits. Donc vous aurez toujours mes parenthèses, mais malheureusement, je ne serai plus autant là, je ne serai plus là pour m'occuper de tout le monde. Mais pourquoi? Il va falloir. Pourquoi? Bah, c'est surtout le problème, c'est que c'est Fredo. Tu seras plus là pour t'occuper de lui, en fait. C'est ça son problème. C'est quand il avait, oui, Mayan, comment est-ce que je fais pour écrire un post? Comment est-ce que je fais pour réagir à quelqu'un? Comment est-ce que je fais pour cliquer sur j'aime? Faut que je clique sur quoi? Sur j'aime ou sur commenter? c'est surtout Fredo qui va être perdu, hein. Non mais. C'est pas faux. Mais pourquoi tu te barres, en fait? Parce que j'ai pas le choix, malheureusement. C'est-à-dire, dans la vie, on a toujours le choix, il n'y a que la mort qui nous est obligée. Ouais, on n'est pas en train d'enterrer quelqu'un, là, le Corse. Tout de suite parler des dramas, là, des trucs dramatiques, là. Je me suis occupée de mes enfants, mes vrais enfants biologiques, pendant 3 ans, et en même temps, eh bien, je me suis occupée de mes enfants Facebook, mes enfants forum, partout. Et maintenant, faut revenir quelque part à la vraie vie aussi. J'ai besoin de trouver un boulot, je peux pas assurer les deux, c'est pas possible puisque. Non mais attends, tu plaisantes ou quoi? Tes enfants, tu vas les foutre à la DAS et puis basta. Hein. Non mais je rêve. C'est pas je une excuse quand même. Les deux, malheureusement, puisque je faisais du matin jusqu'au soir avec vous sur les fanbook et partout et puis bah maintenant je pourrais plus. Voilà, avec un grand regret. Donc ah bah oui, bah c'est une triste nouvelle. Tu dis quoi, Pierre? Excuse-moi. Elle a fait un sacré boulot, Mayane. Grave. Oui, c'est vrai. Merci pour ta rapidité, ton efficacité. Dès qu'on lui demandait quelque chose, elle était au taquet. Dans la minute, on avait ce qu'on avait besoin. Donc c'était cool. J'étais pas toute seule. Non, c'est vrai, j'étais là également. Ah mon petit père. Hey, arrête ça directement, Pierre. Avec ta tête de con, là, avec tes dents, là. Ah c'est bon, ça va me suivre. Alors c'est vrai que j'ai une racine de porc, mais c'est pas pour autant que... Mais Mayenne, bon je te connais et tout, je sais la voix que t'as en vrai et tout, mais à la radio t'as une trop belle voix. C'est ce que... Mais ça veut dire qu'en vrai elle a pas une belle voix. Attends, je me suis déjà entendue, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Non. Mais c'est vrai que t'as une voix plus jeune. Bah tu sais quoi, si tu veux, on va mettre Émilie Cécile sur le Facebook, et puis tu peux les remplacer. Hein, alors t'es... Tu ferais ça, Mayenne? Comment? Tu ferais ça? Non mais moi oui. Mais attends, si tu veux qu'on se casse, on se casse maintenant. Hein. Moi, ça m'a gonflé d'être ici jusqu'à 23h. Non, bah attends, on va attendre encore 20 minutes qu'on arrive à la fin de l'émission quand même, sinon c'est pas drôle. Ouais, mais Mickaël, tu peux pas nous prendre et nous jeter comme des vieilles chaussettes, hein. Ouais, oh, bah, aussi. Non, parce que au bagne, merde alors. Non, et commence pas avec ça, on allait terminer sur un bon truc, sur une bonne vibe, Mayenne. Arrêtez avec ça directement. Appartenez à l'oncle Jules. Stop! Ah bah voilà, enfin un peu d'autorité, putain, il t'étend. Fallait qu'on lui fasse avant qu'elle parte. Mais en fait, c'est parce que tu gueules pas assez, Mickaël. Non bah ça doit être... Non mais bon, je suis pas là, j'aime pas gueuler tout le temps. Tu te rappelles que... Enfin, Fredo doit se marrer quand je dis ça parce que j'arrête pas avec lui, mais bon, façon de parler quoi, j'aime pas crier. Tu te rappelles que je t'ai dit que je t'ai jamais vu énervé. C'est pour ça, c'est tu vrai. Devrais plus t'énerver et on te respecterait plus. Oh, bon, il est respecté, bah, je vais essayer. Mickaël, hein. Voilà. En fait, Mickaël, il envoie plein de messages subliminaux comme ça. C'est ça, ouais, des petits messages cachés. Waiting for the end. Faut comprendre l'anglais. For the end. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu sais que j'ai toujours pas compris. Bah, tu vas te faire traduire direct. Ça veut dire que Pierre, il a envie de te sucer. Et bah, c'est Linkin Park qui a fait une chanson rien que là-dessus. C'est fort, hein. Non, mais ça, je n'y crois pas non plus, je suis pas con. Non, mais ah, voilà. Bah, pourtant, c'est la vérité, allez, mec. Hein. Un petit reniflement à la fin de la réplique. Bah, elle est enlumée depuis 2 mois aussi. C'est dégueulasse. Moi, je suis pas con, hein. Moi, je vous encule, hein. Eh ouais, et ça j'y crois pas. Je suis enrhumé, mais vous êtes fatigué. Mais t'es enrhumé depuis 82, toi. Ouais, 82. Bon, y a la pub et ensuite y a un disque. Mais non, y a pas de pub encore. Une seconde, on a le temps, on est pas non plus. Mais oui, on a le temps, t'inquiète pas. Bon bref, Maya, en tout cas, bah écoute, merci pour effectivement tout le boulot que t'as fait sur le Facebook, hein, t'es quasiment la plus connue sur tous les Facebook de la radio. C'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai, hein. Bah ouais, il y a Aurélie qui dit Mayan on t'aime. Oui, enfin, elle est pas morte non plus, on va pas l'enterrer, hein. Mayan de gomme. Oui, il y a. Oui, Mayan de gomme. Ça va rester, ça se pense. Il y a Fredo qui gueule aussi quelque part, j'ai vu. J'arrête l'émission, tu ne restais pas. Oui, mais bon. Ouais, ouais, non, mais ça c'est Fredo qui a lancé ça. Ouais, il veut arrêter l'émission si tu restes pas. Je vois pas le rapport quand même, merde. Non, bah non, il peut rien, nous. Ça va pas être possible. Mayan, tu vas faire quoi maintenant? Maintenant, je vais me battre pour revenir aussi. Et puis dans l'immédiat là je sais pas, je peux pas te dire, mais ce qui me passionne, c'est en fait elle va bosser à France Inter et ça c'est très très dur. Présent, donc je ne sais pas, voilà. Bon, elle va s'occuper du Facebook de France Info, de France Inter. Oh là, ça c'est très dur. Ah ouais. Surtout si elle fait France Info Bastia. Oh là, mais ça existe pas, tu vois, pour une fois que tu dis des choses qui n'existent pas. Voilà. Ah, ça existe pas, mais je crois qu'il y avait des locales partout. Ah non, c'est France Bleu les locales. Le corps, s'il se casse. Comment ça il se casse, il va où? Non, mais je me casse pas, ça m'énerve. Parce qu'à chaque, je suis enrhumé, ça fait 3 jours que je suis enrhumé. Je renifle et on me signale qu'à chaque fois que je renifle, donc, on me le fait remarquer. Mais c'est nul, hein. C'est nul. Ouais. Ah, quelle horreur. C'est dégueulasse. Mange-la maintenant. Mais arrête un peu de dire ça, c'est dur. Il a simulé une fellation sur le micro, c'est dégueulasse. C'est ça. Il a sucé le micro. Il est dégueu. Mais va te faire foutre. Quelle horreur. Bon, Mayan, en tout cas, merci à toi. Et puis, tu repasses quand tu veux quand même, cela dit, y a pas de problème. Hein. Ouais, pas de soucis, Mickaël. Oui. Mickaël, j'aimerais te dire merci pour ces 3 ans. J'aimerais embrasser tout le monde très très fort. Tous les animateurs, Ben, Zia, Dino, Florent, Julien, Marina qui va bientôt revenir aussi, il faut y penser. Et tous ceux que vous ne voyez pas, tous ceux qui s'occupent de vos cadeaux, vos places de concert et tout, et toute la technique et le power-up que j'embrasse très très fort parce qu'ils font un boulot fantastique. Je vais chialer, arrête. Très très fort. C'est sympa de faire ça. Et les deux Blair aussi. Le Blair et le sous Blair. Et tout le monde, et Fredo, merci énormément, Roberto. C'est énorme ce que j'ai vécu avec vous. Je vous embrasse très très fort. Oh bah dis donc, on va pas le plus parler, hein. Petite mère. Oh ouais. Mayan, on va se revoir. Bah bien sûr qu'on va se revoir. Bah j'espère, écoute. Bah oui, bien sûr. Elle est trop mignonne. T'es trop gentille. Putain, tu fais trop chier là. Non, mais en tout cas, Mayan, franchement, tu vas vraiment nous manquer. Et encore une fois, je sais pas quoi te dire à part merci de tout ce que t'as fait. Bah, et puis travail, tu passes quand quoi. Tu veux. Et moi, j'aurais bien aimé te connaître, Mayan. Oui, j'aurais été ravie de te connaître aussi, crois-moi. J'espère qu'un jour on se verra, en tout cas. Mais avec grand plaisir. Oui, bah, pas trop vite. S'il vous plaît, prenez soin des gouverneurs, prenez soin d'eux, fanbooks. Ne t'inquiète pas, le fanbook est là, Fredo est toujours derrière, donc ne t'inquiète pas. Lui vivant, rien ne pourra arriver. Ah oh bah lui vivant, hein, je peux te dire qu'il y aura toujours, il y aura toujours des cheveux sur terre, hein, ça je peux te le dire. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Allez, je te fais des bisous, Mayan. Moi aussi, je vous embrasse tous. Et puis bonne chance pour la suite. Allez, merci. Ciao à toi. Belle vie. Bon, et puis dans un instant, bisous Mayan. Bisous Mayan. Et puis dans un instant, ce sera Elisabeth qui va débarquer pour les cadeaux. On aura le Corsica Show aussi dans un petit instant. Et puis vos messages aussi, hein, qui arrivent encore évidemment sur le Facebook, facebook.com/emickaelofficiel. Bon, on en parlait tout à l'heure avec Kate de Luna. Alors c'est vrai que c'est pas d'habitude le son que je mets comme son de la cave. Et puis au final, je me dis bah pourquoi pas, hein, un petit Fugees. Lequel? Non. Bah oui, je sais pas, alors Fujila, Ready or Not, ouais, ou Fujila ou Ready or Not, ouais, je sais pas. La pub, moi perso je préfère Ready or Not. Non. Ah mais oui, parce que Fujila c'est na na na na na na na na na na na na na na na na. Ouais, après on croit que c'est le son de Bagne. Moi je préfère ça, moi. C'est pas alors, moi je préfère Ready or Not. Here I come. Tu sais ça fait quoi? Non mais surtout c'est le début que j'aime bien. Enfin, je le fais très mal, mais bah, écoutez-le après la pub. On va mettre Ready or Not finalement. Tiens. Voilà, Fugees Ready or Not. On fait péter ça juste après la pub et on revient donc avec le Corsica Show. Tout ça avant 23h. Restez bien là. Voilà le son des Fugees qui terminait un petit peu écoute. On bon. Va dire ça comme ça. Je voyais ça plus. Oui, petit moi à petit, on va dire. Aussi, c'est pas grave. Figure-toi. Oui, t'as vu, hein. Ouais, ça, mais c'est pas la faute du Corse pour une fois. Non, c'est vrai. Non, faut il le dire. Rien fait. Ouais, c'est pas... mais, toujours de ma faute. C'est pas possible. Bah, c'est toi mais qui non, je viens de te dire que c'était pas ta faute. Ah, Mika, il m'engueule. Il me regarde avec des yeux bizarres en me disant c'est de ma faute. Attends, je comprends plus rien. J'ai rien fait, moi. Bah, si, c'est toi qui as produit les Fugees, mec. Dis-le, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait le titre. Avec quoi, Clève Jean, avec Laurie Neal et le Corse. Non, c'est non, ça. Non, moi j'y suis pour arrêter. Non, pour de bon, j'ai rien fait. Mais on sait, oh là là, et donc il y a une victime. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. Présomption d'innocence, hein, parce que voilà. Présomption, ouais. Bon, allez, ce que je propose, c'est que nous prenions Elisabeth et puis brièvement le Corsica Show. Comment ça, au nom? Elisabeth? Oh oui! Elisabeth, ça va, Elisabeth? Ouais, je crois que je vais m'évanouir là. Mettez TF1. Ah oui, c'est TF1, oui, c'ah vrai, merde, putain, on a raté le début. Mettez TF1, on a raté le début de Qui veut épouser mon fils. Mais dommage, l'avant-dernière, une blondasse, non, je voyais les seins. Ah, c'est normal si c'est une blondasse. Ouais, une blondasse, elle avait la robe, mais c'est bien. Pour une fois qu'on peut regarder quelque chose. Ouais, mais regardez. Il y avait des gonzesses là qui vont. Là, il y en a une autre encore. Une pétasse. Oh là là. Oh là là, ça y est. Non, mais de toute façon. Elisabeth, s'il te plaît, un peu de respect. Ah ouais, horrible. De toute façon, Elisabeth. Elisabeth. Ouais. Quoi? N'en parle plus de l'émission. N'en parle plus de l'émission. Non, je crois que j'ai coupé, moi. D'accord, ok. Non, n'en parle plus parce que, en fait, moi je vais regarder la rediff après. Ouais, bon. Alors, les paquets. Bon, ah oui, merci Elisabeth pour les paquets. Bonsoir. Est-ce qu'il a le corps aujourd'hui? De quoi? Le corps. Bah, rien, il râle. Je sais pas, mais il est bizarre aujourd'hui. Ouais, j'ai envie de faire pipi, je reviens. De même quoi avec non, mais t'es à ton aise ou quoi comment ça se passe, Emilie? Celle qui parlait comme un lapin. Non, Elisabeth, merci, tu m'as ramené mais trois pourquoi, paquets dinosaurus. Ouais, mais pourquoi tu dis que je suis bizarre, Elisabeth? Alors, il y avait quoi dans le paquet? Alors, des dinosaurus, des pizzas pour apéritif, du saucisson, il y avait également des pots de Nutella. Il y avait la bouteille. Il y avait la bouteille, exactement. Ouais. Non, la bouteille du Corse. Bouteille et le saucisson, c'était à part. Oui, c'était dans une boîte. Je te remercie après, le Corse. Il y avait les plats, oui, des bébés, là. Oui, les blédina. C'est qui a mangé? Bah, personne. Personne. Et alors, c'est qui? On va les manger. Vous allez les manger quand? On va les donner aux chiens. Non! Arrête, on va pas les donner aux chiens. Ah oui, un chiffon. Non! Faire un record du monde lundi. Oh non, ah oui, c'est pas bête ça. Ouais. Ah, c'est pas une mauvaise idée, tiens. Ouais. Elle est bonne. Parce que moi, j'ai pensé à faire un record du monde. Ouais, c'est bien. C'est pas et faux. La canette de coca. Oui. C'était pour toi, Michael. Oh, c'est gentil. Bah, du coup, j'en ai bu une tout à l'heure avec Edeluna. Elle m'en a offert une. Enfin, je veux dire que je lui ai prise. T'as annoncé une bonne nouvelle, Michael. Ah, ok, j'ai peur, vas-y. J'ai joué à EuroMillions. Ah, et t'as gagné? Ça veut dire comme quoi, si jamais je gagne tout à l'heure. Si je gagne vraiment la grosse somme et tout le gros paquet, bah je te donne tout. Ah, oh, c'est gentil. On va d'abord attendre que tu gagnes et puis on en reparlera. Mais c'est gentil quand même d'y penser. Moi, je vais gagner ce soir, c'est sûr. Ah ouais, bah écoute, je dis ça pendant 6 mois. Comme ça, je te donne tout. Et regarde où je suis. Comme ça, je te donne tout. Tu pars et moi, je prends ta place. Moi, mon rêve, c'est de prendre ta place. Parfait. Et comme ça, je vais pouvoir remplacer Mayan aussi. Ah bah, tu vas pouvoir remplacer tout le monde au final. Ça va être bien ça. Qui s'occupe de Fredo? Et allez voir quelqu'un qui va bien s'occuper de vous. C'est vrai, tu vas pouvoir masser les épaules de Fredo et tout ça, ça va être énorme. Ah ouais, c'est fou, ça. Mais moi, je suis vraiment la reine du massage. Hein. Ah bah, je me doute bien. Ouais. Ah ouais, mais des massages, bien sûr. Alors là, j'en fais que des massages. Très bien. Ah ouais. Ça va être parfait. Ah ouais. Bon, en tout cas, Elisabeth, là, on n'a plus le temps parce que dans le Corsica Show, ça pousse, mais tu vas être dans le Corsica Show pour dire bonjour, d'accord? Bientôt, il reste. Et j'espère que le Corse, il est content de moi, t'as vu? Ouais. Le Corse? Ouais, c'est je te reprends dans le Corsica Show, Elisabeth. Elisabeth, je te reprends dans le Corsica Show, t'inquiète pas. D'accord, c'est sûr, hein? Ouais, t'inquiète pas, il reste 3 minutes. Allez, Corsica Show maintenant. Bon, t'inquiète pas, le Corse, oui, d'accord, ok. C'est vrai que le machin, il démarre à 57 aujourd'hui, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on s'en fout, on va mettre le 10 plus tard. Si on va après 11h, on va pas nous flinguer, hein. Allez, Corsica Show. Le Corsica Show. Le Corse est sur Goom Radio. Le Corse est sur Goom Radio. Eh oui, oui, oui. Le Corse ce soir, il est en folie. Non, je plaisante. Viens, on fait la vraie chanson, on la chante. Ah ouais? Ouais. Fieri a l'uno brello. Oh putain, mais arrive-moi tout ça avec un. Voilà, c'était parfait, bravo, c'était très très bien. C'était très très dur, surtout. C'était très dur. Physiquement, c'est dur. Ah oui, très dur. Physiquement, c'est dur pour toi quand même, non? Non, ça va, à l'aise. Non, bon, bah, je pensais. Non, physiquement, c'est dur pour nous. Tu vois bien sa tronche, mec. Bon, merci, allez, Corsica Show, le Corse. Ouais, ben alors, on va commencer par prendre Anthony. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Alors, tu passes sur le Corsica Show, tu voulais dire quelque chose de spécial, non? C'est pas bon, toi que j'ai vu sur la page Facebook, non, qui a laissé un message aujourd'hui? Moi? Ben, Anthony, Anthony... C-S-W-E-C-S-V. Ah non, moi, c'était pas lui que je... Ma beauté, c'est Emilie, je te fais un bisou. Allô? Où le vent? Allô, non, rien, ouais. Tu es ailleurs, non? Tu es là ou tu es dans l'émission? Ah, je suis là. D'accord, mais voilà, donc tu as appelé pour dire quoi en fait? Gros bisous! Je vous enverrai un colis, hein, avec plein de trucs. Un gros colis bisous. Avec plein de trucs, d'accord. Mais Anthony, tu es présent ou tu es absent? Ou c'est quelqu'un qui est dans ta tête qui parle à ta place? Non, mais je suis là. Ah, d'accord, je sais pas, non, parce que tu parles pas en fait. Bah, si, je parle. D'accord, et tu voulais dire quoi alors? Je fais une petite dédicace. Vas-y, vite fait. À Thomas, ouais, d'accord. Après? Ok. Et puis, en même temps, toute l'équipe qui est là. Et puis, Mayan. Mon pote. C'est cool, Anthony, c'est très cool. Voilà. Toute l'équipe qui est là. Toute l'équipe qui est là. Voilà. Mais cool. Non, mais tu es au top. Anthony, repasse dans le Corsica Chat. Dans le Corsica Chou. Le Corsica Chat. Oh, le Corsica Chat, merde. Non, mais on a fait perdre mes mots, Anthony, donc. Voilà. Bon, Anthony, on t'embrasse. Et maintenant, on a Maëline. Maëline, bonsoir. Bonsoir. Allô, Maëline. Allô, oui, ça va? Oui. Alors, comment prépares-tu ton week-end? Pas très bien là, parce que Mayan a part. Ah, ouais. C'est dur, hein. C'est dur. Et donc, tu es un peu triste et tu as appelé pour faire des gros bisous à Mayan, non? Oui. Et ben voilà, tu as deux petites secondes pour faire des bisous à Mayan. Mayan, je t'embrasse et je te souhaite bonne chance pour la suite. Et aussi, je voulais dire que le Corsica Show, c'est hyper bien. Oh, merci, c'est très cool. Il t'a payé le Corse ou quoi? Parce que c'est nul à chier. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, on a un quota, on est obligé de passer quelques personnes avec certains handicaps. Là, c'est les sourds. Bah, ça, c'est pas cool, Michael. Parce que la pauvre Maëline, elle appelle, elle me laisse beaucoup de messages. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs qu'elle me laisse ces messages sur la page. Et c'est pas cool vis-à-vis d'elle. Maëline, c'est Emilie, je te fais des gros bisous, je t'aime trop. Bisous, Maëline. Ciao. C'est trop beau son prénom. Et maintenant, on a Maureen, bonsoir. Oh, Maureen. Ça va. Ben, dis-moi alors, ce week-end, qu'est-ce que tu vas faire ce petit week-end là, grand week-end? Je sais pas trop encore. Tu as rien de prévu? Tu vas pas sortir entre copines, tout ça? Bon, je sais pas encore rien de prévu pour l'instant. Nous, on te propose un week-end super bien entre filles, tu te sens? Je veux bien. Je peux dire un truc, en tout cas, je suis... Elle a hésité quand même, hein. Je suis très contente qu'on ait réussi à redonner, parce qu'elle nous avait appelé il y a très longtemps, Maureen, et je suis très contente qu'on ait réussi à lui redonner le sourire. Oui. Et qu'elle continue à nous écouter et que, voilà. Elle continuerait toujours. Et c'est cool si on te fait rire et si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir parce que je sais que t'étais triste à l'époque et on est content que t'ailles mieux. Oui. Et merci pour tous tes petits messages. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Oh, le Corse, calme-toi. Et merci pour tous tes petits messages, Maureen. De rien. Et moi, ça me fait plaisir que tu interviennes dans ce Corsica Show. Voilà. Donc, Maureen, je t'embrasse. Je te souhaite un très bon week-end. Je vais faire une dédicace quand même. Vas-y. Je t'en prie. Je vais faire une dédicace pour Mayan. Vas-y, puisqu'elle s'en va. Bah oui. Bah, que Mayan, je l'aime très fort et merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Ah bon, d'accord, je pense qu'elle t'entend ce soir et qu'elle comprendra. Voilà. Et je voulais dire aussi à Mika et Pierre qu'ils arrêtent d'embêter Cécile et Émilie, sinon je monte au studio. Ah ouais, quand même, voilà. Tu nous défendras au moins. Ouais, c'est un avertissement, non? Mikaël, comment tu trouves ça? Dur ou pas? Dur, très très dur. très très dur. Ouais. Merci vois, ma Maureen, c'est Emily et Cécile, on te fait des ouais, gros bisous. Ouais, gros bisous Maureen, merci pour tout. Hein. Bisous ma poule. Ciao. Bisous, ciao, ciao Maureen. Ah, on a notre idole, le qui préféré, le meilleur. Monsieur, que je dirais pas. Non, c'est pas René, René. Notre ami René, ben dis-moi, va te faire enculer. Ouais, je t'encule, toi, vas-y, dis-moi René, alors tu m'encules. Ah, mais il y a beaucoup de bruit, mais oui, je t'encule, grosse merde. En plus, t'es bourrasse, t'as une voix d'alcoolo, hein. Ouais, alors, ouais, ouais. Faut qu'elle te cache à la foudre en fion, espèce de bourré. Qu'est-ce qu'il y en sait déjà? Qu'est-ce qu'il y en sait? Tu étais là, toi, pour savoir ce qu'on a. Arrête d'écouter. Hein, je vais te dire un truc, le seul truc que je fais, vas-y, c'est de t'enculer, d'accord. Dis-moi, là, là il y a Mathieu qui arrive chez toi dans pas longtemps. Il y a Mathéo et toute l'équipe qui arrive de chez toi dans pas longtemps. René, tu sais donc quoi? Tu vas prendre cher, mais très cher, René, mon pote. René, tu sais quoi? Attends, René, vas-y, ferme-la. René, ouais, mais tais-toi là, tu es gratuit, tu sers à rien, tu sers à rien. René, tu m'entends? Voilà, écoute un peu quand on te parle, René. René, tu m'entends? Ouais, je t'entends, qu'est-ce qu'il y a là? Tu me proposes ton fion, sale pute? Mais là, tu vas mieux parler aux femmes. Ah, mais René, je d'accord. Veux vous remplir de mon jus là. Mais écoute-moi, espèce tu de voix de chiotte. À ce qui paraît, tu nous as tous enculés, mais on a rien senti vu ta petite bite. Ah, ouais, c'est drôle, ça, grosse merde, j'ai la tête. Mais ouais, viens, mais tu sers à rien. Mais viens, on fera du que tu es. Tu as de la langue, oh, c'est fini, vous allez arrêter de gueuler là. Oh, hé les gogoles. Grosse merde. Gros con, va, il a rien à répondre. Ouais, ce type là, il sert à rien, il sert à rien. Il a que moi, je trouve drôle, moi. Mais il a que de la langue. Il parle, mais pour pas grand chose en fait. Il fait que du vent. Bah après, oui. Il a que de attends, ça arrive à tellement de monde. Pardon, mais après il y a que de la bouche. Il a que de la langue, hein, apparemment. Donc. Ouais. Merde. Oh le Corse. Ouais, c'est, oui, c'est le Corse. Chez nous, bon. Ben, c'est pour ça que le Corse. Bon, et pour finir, il y a Monsieur E qui est là ou pas alors finalement? Non. On a le Corse. Jacques du Maquis. Jacques du Maquis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bah écoutez, je crois que là, on a essayé de nous joindre et puis comme on est en, je viens de sortir à l'extérieur parce que là, on est débordé dans la salle. Il y a plein de monde. C'est difficile de rentrer, de sortir à l'intérieur. Hein. Ouais. Bon, qui c'est qui parle? C'est Michael. Ouais. C'est Michael. Non, c'est le Corse. Ah. Non. je reconnais l'accent, hein. Voilà. C'est un petit mélange. Jacques du Maquis, tu es où dans le Maquis là, non? Hein? Tu sors du Maquis. Là. On est à l'extérieur. On est près du Maquis, en bord de mer. Ah d'accord, c'est bien, le maquis est sur la mer alors. Voilà, bon je pense que ça se passe bien, nous ici on est débordé de monde à l'intérieur, donc c'était trop fort, je suis sorti à l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc je pense que tout se passe bien, il n'y a pas trop d'insultes sur les Corses. Hein, non, sinon, c'est bon encore... Jackie. Sinon, bon, non mais moi je suis là pour défendre notre nation Jackie. Hein. Bon, ben c'est super en tout cas. Hein. Bon, moi je serai sur Paris avec mon équipe prochainement. Très on bien. On essaiera de venir vous voir. En tout cas, super pour votre émission. Bon, hein, et pas de bombe, hein, Jacques, qui est sur Paris. Hein. Non, on essaye. Non, il y en a déjà assez pas. Dans les avions, là. On en a assez avec les infos de Ben Laden, là. On va falloir qu'on le prenne en main. Voilà, c'est ça. Exactement, hein, exactement. On va le prendre en main. Il va... Hein, ouais. Voilà. Bon, ben, Jacques, mais écoute, on t'embrasse, passe une bonne soirée. Eh ben, Michael, le mot de la fin, c'est pour toi. Le mot de la fin, c'est... Mon amour, ma beauté. Non, arrêtez un peu. Là. Bon, on va se quitter maintenant. Petit on est un petit peu en retard, c'est pas très grave en même Canino. Temps. Hein. C'est pas vrai, petit... quelle horreur, mais quel drame. Bon, blanc. Allez, on se retrouve lundi à partir de 20h pour la soirée spéciale pour le 1er novembre, spécial mort. Oh, c'est pas terrible. Ou alors, peut-être que je serai pas là parce que je serai au concert de Mikey Mickle. J'hésite encore. Non, mais... En revanche, on devra voir My Chemical Romance au téléphone, en revanche, lundi soir, avant leur concert. Donc alors, ça attends, va être cool. Parce que si je vais là-bas, je les verrai pas, et si je suis ici, je les aurai au téléphone. Donc c'est compliqué, je vais réfléchir voilà. Pendant le week-end. Donc tu vois, c'est... Bah, il faut choisir, hein. Ouais. Il faut choisir. Non, mais non, t'as pas le choix, en fait. Je suis con. Je l'allais choisir, mais en fait, salaud, non. Ouais. Bon, allez, passez tous un bon week-end. N'oubliez pas que, c'est le seul point positif de ce week-end, hein. C'est que, demain, on change l'heure, hein. Il y a une heure de plus pour dormir. Ah oui, par oui, contre, oui, il fera noir bon, à 16h, hein. Ça va être horrible. On dort une heure de plus. J'adore. Ouais, mais tu vas dormir une heure de plus, un seul soir. Et après, tu vas te taper pendant 5 mois le soleil qui va se coucher à 4 heures, ça va être horrible. Ah ouais, mais on s'en va au Bahamas, tu m'as dit bientôt. Non, au Chili, pardon, excuse-moi. Ouais, mais enfin, moi, il change là-bas aussi, hein, ça va dire, hein, mais bon. Moi, enfin, je fais un gros bisou à Fredo. Moi aussi, un gros bisou. Voilà. Oh, dis donc, t'as quelque chose à te faire pardonner? Moi, non, c'est pas moi qui disais ça. Non, je parlais à Emily et à Cécile. C'est très dur. Oh là là là là là là. Mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il me parle plus? Il est fâché sur moi ou quoi là? Depuis tout à l'heure, il passe par Mika pour m'envoyer des messages. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, j'en sais rien. Il est peut-être s'il fait des câlins à chiffon, il se sent seul. C'est un homme seul, Fredo. Ah ouais, bah c'est possible aussi, ouais, c'est vrai. Ses cheveux pour bon, en tout cas, rassurez-vous, Fredo a changé l'heure depuis une semaine chez lui, donc de ce côté-là, on est tranquille. Ouais, c'est vrai. Ça fait une semaine qu'il a déjà changé l'heure d'hiver. Ouais, il est à l'heure des années 80. Ouais, ouais, bon, enfin, c'est la même, chez lui, là. C'est ça. Ouais, enfin, c'est ça, ouais. Pas trop parce qu'il nous a mis une douille, quand même. Oui, bon. Oui, on devrait fermer sa gueule et rendre vraiment l'antenne, là, les ça. Enfants. Oh, ça va, on n'est pas à 5 minutes. Ouais, hein, ouais, qu'est-ce vrai, que vous allez faire ce week-end, vous? Bah, moi, je vais tirer un coup. Ou deux. Oui, c'est vrai, on avait déjà posé la question à votre heure. Demain, je chante à Auxerre. Donc, si. Oui, enfin bon, le Corse, on n'est pas là pour faire la promo. Bon, allez, passez un bon week-end tout le monde et on va se quitter avec le live. Tiens, il y en a beaucoup qui l'ont demandé, il y en a beaucoup qui l'ont demandé, sur le groupe Facebook. Le live maintenant de Julian Peretta avec Wonder Why. Passez un bon week-end. Rancard lundi, n'oublie pas de changer l'heure demain à minuit. Non, à quelle heure? C'est à 3h, il sera 2h, je crois. Ouais. Bah, faut le faire avant d'être bourras, comme ça, à minuit, hein. Ouais, voilà. Il vaut mieux faire ça à ce moment-là, effectivement. Allez, bon week-end tout le monde et Julian Peretta pour se quitter. Wonder Why. Ciao à lundi, 20h. Bisous, ciao.